Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonsoir. Mbolwani, Mbolwani, Mbolwani, Mbolwani. Mbolwani. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Bon, nous ne sommes pas trop en retard à notre rendez-vous, j'espère. Hein? Ça fait on a 5 minutes de rendez-vous. Accordons encore 1 ou 2 minutes pour permettre tout le monde d'être rentré. Et puis, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir, messieurs et dames, et soyez les bienvenus encore sur cette chaîne de la connaissance. Laquelle connaissance est une connaissance juste pour éveiller votre conscience spirituelle, éveiller votre âme et vous permettre d'avoir accès, par le peu de connaissances que j'ai, d'avoir accès aux arcanes secrètes. Je tiens ici à remercier tout le monde, tous ceux qui de loin et de près, même si la campagne n'a pas été assez éloquente, je vais dire que je n'ai pas beaucoup alerté beaucoup de personnes ce jour-là, il y a à peine 1 ou 2 jours, nous sommes au 2e jour, de mon live que j'ai fait, nous sommes quel jour, dimanche, que j'ai fait vendredi, sur pourquoi maîtriser le silence. Je remercie les réactions de beaucoup de personnes, car ils ont réagi positivement, en m'encourageant dans ce sens que c'était un enseignement qui était plein, riche d'enseignements, riche d'exemples, surtout d'inspiration et de motivation. Et pour certains, ils ont reconnu que ça nous aide à ouvrir les yeux spirituels. Merci beaucoup encore. Une fois de plus, je ne rejette point la fierté ni l'honneur à moi-même, à ma modeste personne. Mais je dis l'honneur et la gloire reviennent toujours au Tout-Puissant et au génie, aux esprits de l'au-delà. Vous pouvez les appeler les anges, les archanges, comme vous voulez. Car ce sont eux qui souvent m'inspire, et comme vous l'avez constaté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le sujet donc de ce soir, ce n'est pas un hasard, mais ce sont eux encore qui m'ont parlé, car cela fait suite à l'une des questions sur le dernier enseignement sur comment maîtriser le silence. Il y a une question qui avait un rapport avec la lutte entre le monde des mortels et le monde des immortels. et que cette lutte, elle est sérieuse. Et après consultation des archives akashiques, en d'autres termes, quand je fais mes voyages spirituels et mes méditations, les maîtres m'ont demandé de revenir sur cela, mais sous une autre forme. Et ainsi, ils m'ont inspiré un titre. Le titre est « Comment s'en défaire de la dictature religieuse ?» Ah ben tiens, j'ai un ami, je veux dire même deux, parce qu'il y a une femme, elle est pasteur, un autre, un homme qui est pasteur. La femme, elle est pasteur ici dans l'une des églises africaines aux États-Unis, et l'autre homme, il est pasteur au niveau de Congo-Kinshasa. Ils ont réagi pour me dire, mais monsieur Onouvier, vous pesez bien vos mots, quelle est cette dictature que vous trouvez au sein des églises? Alors je leur ai répondu simplement ceci. Veillez s'il vous plaît, écoutez ce que les dieux, ou encore ce que les maîtres vont me dire à ce sujet. Ils m'ont rien dit d'avance, ils m'ont seulement balancé le titre. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, venez écouter ce qu'eux vont vous dire. C'est parce que ça ne sort pas de moi, mais ça vient d'eux. L'honneur et la gloire et la puissance, l'adoration, l'élévation et le respect et la dignité, tout cela revient à lui. Nzambakana, Tetamwanga, le Dieu Tout-Puissant. Qu'on puisse l'appeler Allah ou Jéhovah ou Jésus, Dieu incarné, Jésus, machin, Dieu en triple existentialité. Quel que soit le nom qu'on l'attribue, je dis l'honneur lui revient. Parce que c'est le même Dieu qui dans les églises, dans les religions, à gauche et à droite, est adoré sous multiples formes. D'où on reconnaît que c'est un Dieu qui est omniscient et omniprésent. Car par sa omniprésence, il est manifeste dans toutes ses religions. Oui, je ne suis pas fanatique, il faut le reconnaître. Il faut aussi reconnaître que Dieu, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans l'ignorance, c'est écrit même dans le livre de Jérémie, je crois, le chapitre 23, que Dieu parle aux hommes d'une manière ou d'une autre, mais nous les hommes, nous n'en sommes pas conscients. Donc il peut passer par une fausse religion, il peut passer par une vraie religion, il peut passer par un enfant, il peut passer par un initié, il peut passer par qui il veut, et même un animal. Souvenez-vous, le roi Baal, c'était par un cheval que le Dieu suprême lui a donné des avertissements à travers le cheval. Ou bien l'âne, voilà. C'était l'âne, pour être bien précis. Dans le livre de Deux Rois, vous allez connaître cette histoire. Donc Dieu, il peut vous parler d'une manière ou d'une autre. Il peut vous parler à travers la nature. Il peut vous parler à travers Mamungongo. Il peut vous parler à travers je ne sais qui ou un livre. Donc ne négligez pas cela. D'où ici, je montre tout mon respect à toutes les religions qui s'évertuent à pouvoir aider l'homme à partir de son état d'ignorant et de son état de tocard dans son comportement régulier, l'amener au moins à un homme normal qui fonctionne normalement, à une femme qui doit fonctionner bien dans la vie. Mais je vais justifier bien le titre, c'est pas moi. Avec l'aide des maîtres invisibles, ils vont m'aider ici à pouvoir vous expliquer en réalité qu'est-ce que c'est une dictature religieuse. Beaucoup d'entre vous qui me suivez ici depuis un bon moment, il y a des docteurs, il y a des philosophes, des médecins, et des enseignants, des écrivains même, j'étais surpris, qui me suivent à travers le monde. Donc, je n'ai pas ici le monopole de la connaissance, mais vous serez d'accord avec moi que le mot dictature, vous savez ce que c'est. Je ne vais pas rentrer dans le dictionnaire pour pouvoir chercher la définition du mot dictature, parce que je suis très allergique au dictionnaire des hommes. Il ne donne pas une définition assez convaincante. Mais quand même, par rapport à ce mot de dictature, je crois que vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, sur ce que nous allons voir aujourd'hui, la dictature, avant de pouvoir donc rentrer, pendant que je suis dans l'introduction, comme d'habitude, posez vos questions à la fin, s'il vous plaît, pour me permettre de me concentrer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment s'en défaire de la dictature religieuse. Alors, quand je parle du comment, c'est que ça existe réellement. Il y a une véritable dictature. Et je vais bien vous dire et vous convaincre. Et même à travers, aujourd'hui, j'ai pensé amener ma Bible, qui est là, la Sainte Bible, que beaucoup de chrétiens utilisent puisque c'est dimanche. Donc, nous allons faire cette gymnastique de quelques versets bibliques que nous allons lire ensemble sans pourtant apporter une interprétation personnelle. Parce que la Bible, elle ne s'interprète pas, mais elle s'explique par elle-même. car toute écriture est inspirée de Dieu, disent les chrétiens et disent la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous enseigner, utile pour nous renseigner, utile pour redresser notre vie, utile pour nous guider dans les bonnes mœurs, afin que l'homme de Dieu soit totalement équipé pour toute œuvre bonne et de mieux se comporter dans la société afin d'éviter de choquer les autres. Effectivement, afin d'éviter également un comportement de dictateur ou de dictature. Donc, nous allons utiliser cette Bible. Qu'est-ce que c'est la dictature? Dictature vient du mot dicté. Dictatoria. Dictatum. Le latin, ça vient du mot latin dictatum. Dictatoria en grec. Alors, ça vient de dicter. Mais ce n'est pas dicter comme lorsque nous étions encore à l'école. Rappelons-nous, lorsque nous étions à l'école primaire, le maître va commencer à nous dire « Hey, prenez vos bics et vos cahiers, je vais vous faire une dictée. » Et en anglais, on appelle ça « dictation ». The dictation is one of the ways to measure your knowledge, the knowledge of the grammatical and orthographic knowledge or basic knowledge of any language. So we gotta go through a dictation. Je traduis en français, parce qu'il y a un ami américain qui me suit. La dictée est un moyen ou une méthode qui vous permet de mesurer vos connaissances linguistiques par rapport à la langue que vous voulez maîtriser, que vous voulez apprendre. Donc, vous faites une dictée. C'est pour mesurer votre degré ou votre niveau de compréhension de cette langue afin d'éviter les fautes orthographiques et des accords grammaticaux et voire même les ponctuations ou les histoires phonétiques et tout cela. Ça, on me l'a appris quand on m'a appris le français. Et même l'anglais, la même chose. Donc, il ne s'agit pas de cette dictée-là. Non. La dictature dont il est question ici, c'est une personne, une société, une organisation qui par des lois, des règles, promulgue certaines règles, met en place certains principes et les dicte aux adeptes, les dicte au peuple, les dicte aux personnes, d'une manière générale. C'est-à-dire que quand on parle de dictée ici, il y a des lois et des principes là-dedans qui semble être imposé contre la volonté du peuple, contre la volonté de l'homme, contre la volonté de l'individu qui adhère à ce milieu. Et dicter veut dire imposé par ta volonté et par la force afin que les autres se soumettent à ce que toi tu désires. Non seulement en tant qu'entité individuelle, mais également en tant qu'entité collective, c'est-à-dire quand il s'agit du cadre de religion. Pardonnez-moi si ma définition semble être hors du commun, mais je crois que ça, c'est la définition de l'initié. Et c'est ce que les maîtres sont en train de me dire pour pouvoir vous transmettre. Alors, une dictature religieuse, c'est quoi? C'est une religion. Dictature religieuse est une dictature au sein d'une religion. Soit-elle chrétienne, bouddhiste, musulmane, ou quelle que soit la dénomination. C'est ça. La dictature religieuse. Donc, cette dictature religieuse, c'est une dictature qui existe au sein de l'Église. Or, comme vous le savez, dans la définition du mot ecclésia, ecclésia en grec, malencontreusement défini en français comme église, bien défini comme église, mais malencontreusement mal interprété et mal expliqué au commun des mortels que l'Église, c'est l'endroit où les gens vont prier. Faux! Allez-y lire le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le chapitre 5. Allez-y lire le livre de Romains, du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12. L'apôtre Paul est bien clair quand il donne la définition de ce que c'est une église. Et même dans les églises où vous partez, on vous enseigne que l'église n'a rien à voir avec un bâtiment qui est fait de main d'homme, déclarera Paul. Et je ne ferai que le répéter dans le livre des Corinthiens. Il le dit, dans le livre des Romains, il le dit. Et dans le livre des Galates, le chapitre 5, là où il décrit tous les fruits de l'esprit qui forment en réalité la constitution et le fondement d'une véritable église. Parce que cette église, ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, au sein donc des religions, j'insiste sur le mot religion, pas église, parce que église, pour votre information, et que ceux qui sont chrétiens, selon la définition de l'apôtre Paul, fondateur du christianisme, dans cette même Bible, le livre d'Éphésiens chapitre 5 jusqu'au chapitre 6, vous explique ce que c'est une église. C'est l'ensemble des individus. Lesquels individus croient à Jésus-Christ sous le contrôle de son esprit qui, l'Esprit Saint, deviennent membres de l'Église. Donc, l'Église ici, c'est l'ensemble de tous les individus qui croient à l'enseignement de Jésus, qui croient à l'enseignement du Saint-Esprit, et ils forment donc l'Église du Christ. Cette Église du Christ, c'est l'ensemble de tout individu qui croit en Jésus. Voilà ce qu'on appelle l'Église. Mais ce n'est pas le lieu d'adoration. Tu vas où? Je vais à l'église de Nazareth, je vais à l'église de ceci. C'est faux, parce que l'apôtre Paul serait en contradiction. L'apôtre Paul explique que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes, mais il habite dans votre temple à vous. Par contre, les lieux de rencontre qui sont des lieux d'exhortation, des lieux d'encouragement, des lieux d'enseignement, comme je le fais ici, ceci peut être un lieu d'exhortation, de rassemblement, via YouTube, parce que je vois qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui me regardent à travers le monde, et ceci peut être considéré, entre parenthèses, peut-être comme une église. Mais non, ça n'a rien à voir. Mais c'est l'ensemble d'individus qui sont branchés sur l'égrégore christique. L'égrégore christique qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tous unis, croyant à ces principes fondés par Paul, l'apôtre Paul, sous le fondement de Jésus-Christ, dont il a pris son dogme chrétien, et que tous les gens se branchent sur cet égrégore-là, alors ceux-là qui se branchent dans cet égrégore, sur cet égrégore, on forme ce qu'on appelle l'Église. Une fois de plus, chers frères et chères sœurs, à travers l'Afrique, à travers le monde, la définition de l'Église n'est pas un lieu d'adoration, parce que sinon l'apôtre Paul serait en contradiction, parce que ce même apôtre Paul a dit que Dieu n'habite pas dans des temples ou églises qui sont faits de mains d'hommes, mais il habite dans votre propre temple, et il ajoutera dans 2 Corinthiens chapitre 6 jusqu'au chapitre 7 que vous êtes le temple de Dieu et que le temple de Dieu est en nous. Pardonnez-moi, c'est dimanche, j'essaie de faire un refreshment à nos frères chrétiens. I'm trying to refresh your mind as a Christian because today is Sunday. I am not a Christian, but you are watching me, probably some of you are a Christian. So just to remind you that the real temple of the Lord is not the temple made by human being hands, not at all, because that's Paul who's saying that. Paul is saying the real temple of God or the Lord is not made out of human hands, but the real temple of the Lord is within you, only within you. And that's Paul himself, the founder of Christianity, who's saying that God resides inside your own temple, not in the outside temple made out of human hands. Pardonnez-moi, de temps en temps, je vais toujours parler un peu en anglais pour mon ami américain qui a décidé de me suivre aujourd'hui. Donc, ceci étant, qu'est-ce que c'est une dictature? Vous avez compris depuis mon introduction que cette dictature, c'est simplement quelqu'un ou une église, puisqu'il s'agit de l'église, l'église qui impose à ses fidèles des dogmes, des doctrines qui sont basées sur l'interprétation du gourou ou du leader fondateur du mouvement ecclésiastique ou du mouvement de l'église que quelqu'un aurait créé. Par exemple, je prendrai un exemple typique, l'église ecclésiastique qu'on appelle l'église brahmique. L'église brahmique. Donc, l'église brahmique, ils suivent les enseignements de M. Brahman. M. Brahman, qui était un monsieur qui était ici aux États-Unis, il a eu son interprétation que voilà comment moi je dois faire les choses. Il y a encore d'autres églises. Par exemple, l'église de Shabbat, ou l'église du septième ou du premier jour, je ne sais pas. Ou encore l'église Pentecôte, créée en 1858 ici aux États-Unis. Vous comprenez? Donc, tout ça sont des mouvements qui ont été créés par des individus par rapport à leur compréhension de cette Bible que eux ils pensaient interpréter à leur façon, mais selon ma formation ecclésiastique, formation que j'ai eue en allant suivre des cours de théologie, cette Bible ne s'interprète point car elle s'explique par elle-même. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Josué chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8, l'explique très bien et clairement quelle conduite vous devez adopter afin de permettre ces écrits-là transformer votre vie. Et l'apôtre Paul lui-même ne parle-t-il pas à Timothée dans le même sens, au chapitre 3 de sa première lettre à Timothée. Il explique les changements et les métamorphoses que l'homme peut subir en lisant simplement ce document. Donc il n'a pas besoin d'un interprète, il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dicter sa compréhension. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je maintiens que ce titre de dictature religieuse veut dire tout simplement que les religions viennent nous dicter de manière progérative. Hein. Je ne parle pas de la dictée qu'on a appris à l'école, qu'on va faire une dictée pour mesurer votre niveau de degré de compréhension de la leçon linguistique. Mais il s'agit ici de la dictature religieuse, celle qui consiste à frapper votre conscience individuelle et votre subconscient individuel sous couvert de votre carte mémoire qu'un Zambakana a mis en vous et de vous transformer par leurs propres interprétations érodites ou encore erronées ou vraies afin de vous imposer cette compréhension qui doit désormais guider votre vie au quotidien. Oh, Zambakana, ai-je mal parlé? Ai-je parlé un français bizarre? Pardonnez-moi. Mais je pourrais être plus clair. La dictature donc religieuse, celle-ci que je fais allusion ici, c'est une dictature qui est prévisible. C'est une dictature que nous voyons et que nous vivons tous les jours. Ce qui explique que beaucoup d'entre vous aujourd'hui, certains d'entre nous, avions décidé de tourner le dos à ces religions-là. Pour la simple raison qu'il y a eu ce qu'on appelle un malaise mystique, un malaise spirituel, un malaise religieux, lequel malaise résulte tout simplement de l'abus d'autorité de ces religions auprès de nous, peuples consommateurs de ces enseignements filtrés ou non filtrés, ou faux enseignements. Je suis en train de chercher un document très authentique qui a été signé. Selon les fonds latins, ce document avait été signé par un pape appelé Jules César. César, en 1550, lorsqu'il avait été élu pape, il a donné des consignes. Et c'est un document qui existe sous les fonds latins 648-150. Je répète, 648-150. C'est le numéro du fonds latin de ce document. Lequel fonds latin, document a été, moi j'ai personnellement eu accès à cela, à travers les archives même du musée de Paris. Et même là où je vous parle, ce document n'existe plus du tout. Ils l'ont arraché des mains du peuple. Mais votre humble serviteur, dont la carte mémoire individuelle de son subconscient individuel connecté avec le subconscient même universel de Tata Nzambe, a la mémoire toute fraîche, et c'était en 1979 qu'on m'avait donné la copie de ce document. Mais je vais vous dire, pendant que je cherche ce document, veuillez apprécier encore un peu de musique là. Pardonnez-moi, il fallait, parce que ça devait faire partie normalement, mais, comment on appelle ça? Ça devait faire partie de la démonstration de mes enseignements. Parce que j'aime parler avec des preuves, et je vais vous amener ce document tout à l'heure. Donc, accordez-moi une minute. Je crois qu'il est là quelque part, dans mes archives. Accordez-moi une minute. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais comme je vous ai dit, c'est un document que j'ai étudié par cœur. Ceux qui doutent, allez-y vérifier. Google, si ce n'est pas dans le Google, allez-y vérifier même dans les églises catholiques ou dans les fonds latins. Le document, je répète, c'est le pape César, Jules César, qui avait été élu pape en 1550. Quand j'amène mes preuves ici, ne les mettez point en doute, allez-y d'abord vérifier l'authenticité. Donc, le fonds latin, le document en question du fonds latin est le document 648-150. C'est le numéro de la référence du document. Et ça a été copié en 1979 à Paris. Ça m'a été envoyé de bons souhaits par un prêtre avec qui je communiquais. Donc, voici ce qu'il déclare. La Bible. Cette Bible, nous devons faire tout le possible de l'enlever des mains du peuple. Car si le peuple continue à lire, de se met en possession de ce livre qu'est la Bible, cela est un danger. Et nos intérêts ne vont plus prospérer au sein de nos églises. car s'ils se rendent compte par une comparaison minutieuse des dogmes que nous leur donnons à travers le catéchisme, à travers les enseignements bibliques, des études bibliques qu'on leur inculque, et quand ils vont comparer avec la Bible, alors nous allons perdre nos intérêts et ils vont s'en défaire et ils vont partir et quitter notre Église. Danger, danger, alerte générale à tous les prêtres, à tous les fratères, à tous les frères, les abbés et tous ceux qui sont à gauche, à droite, sur toute la planète. Je vous en prie, faisons tout pour arracher la Bible, car ça va nous créer le tumulte au sein du peuple. Ce n'est pas moi qui exagère, c'est une lettre. Je vais faire tout le possible. Je sais que c'est dans mes archives, c'est un peu en désordre là, ici dans mon temple, mais je vais vous faire la copie de cela et mettre ça sur mon profil Facebook pour vous dire que je ne parle pas, je ne raconte pas n'importe quoi. Pourquoi ai-je pris cette référence? Ça a un rapport avec la dictature religieuse. Oui, le pape Jules César, donc élu unanimement en 1550, va déclarer, et ils ont appelé ce document document fond latin. La référence du document, je vous ai dit, c'est le numéro 648-150. Alors ce document venait de dire ce que je vous ai dit. Ces paroles sont là. En d'autres termes, faisons tout pour arracher la Bible du main des peuples. Et c'est comme ça l'Église catholique a perdu le succès. Je respecte les églises, je respecte les religions. Mais moi, je vous explique l'historicité. C'est de l'histoire. Quand je viens ici avec mes propos, ne pensez pas que je viens vomir de n'importe quoi. Et je ne viens pas être contre les religieux, s'il vous plaît. Continuez à adorer votre Jésus, continuez à adorer vos égrégores. Je vous ai expliqué que les religions sont des phénomènes égrégoriques. Vous tous, vous êtes greffés là-dedans. Si vous avez la chance d'être fidèle aux principes et aux dogmes qu'on vous impose, alors votre égrégore va vous donner ce que vous désirez. Puisque votre humble serviteur fabrique des génies familiers. Ce qu'on appelle les esprits familiers, à base de bois, selon la talismanie pratique. Je le fais et les gens y croient et ça marche. Dans le bouti, on le fait également. Vous partez dans un banja, vous verrez le bouti qui est là aussi. Un type qui a un gros ventre qui joue son mungongo ou bien le bouti machin. Et quand vous parlez, ce bouti, mais en réalité, ce n'est pas la statuette qui vous aide, comme les religieux qui disent l'idolâtrie. Ce n'est pas l'idolâtrie, n'adore pas ce morceau de bois. Mais c'est un esprit qui passe à travers ce bois, qui s'inspire. Nzambakana, quand vous partez en brousse pour couper l'arbre, ou l'écorce de l'arbre qui tombe, vous vous adressez au génie. Mais les gens vont vous dire que c'est l'idolâtrie. Vous n'adorez pas l'arbre, mais vous vous adressez à Nzambakana, la permission. Parce que Nzambakana a délégué des pouvoirs, le Dieu suprême a délégué des pouvoirs à tous les esprits des quatre éléments de la nature. Et dont l'élément qu'on appelle l'élément végétal. Donc l'élément végétal, vous vous adressez à l'arbre. Et quand vous parlez à l'arbre, ça ne veut pas dire que c'est l'arbre, mais vous parlez aux génies, aux esprits qui sont là. Donc c'est ça le phénomène. Donc la dictature religieuse vient d'où? Je vous ai donné une référence. Alors, ainsi, l'Église d'État, créé en 325 par l'empereur romain Constantin le Grand, avec la complicité de tous les cardinaux qui étaient à gauche et à droite, créant la mort ainsi de tous les gnostiques, mystiques, initiatiques, c'est-à-dire nos frères noirs et les grands prophètes, qui détenaient le grand savoir, ils les ont détruits, ils les ont tués, tête en bas, de pied en l'air, et ils les ont exécutés sur des croix, comme ils l'ont fait avec l'histoire de Jésus-Christ ou de Pierre et de toutes ces histoires-là qu'ils ont créées. Alors on appela ça la croisade. Et cette croisade continua. Jusqu'au 15e, 16e siècle, je parle de l'Irlande du Nord et de l'Angleterre. Et c'est ainsi qu'il y eut une invasion des Amériques. C'est-à-dire, au début des années 1500 et 1610, beaucoup des Irlandais et des Anglais quittèrent les côtes britanniques pour venir s'installer en Amérique par la force, parce qu'il y aurait des persécutions. Et c'est ainsi que cette guerre des croisières entre, qui a daté du 15e, 16e jusqu'au 18e siècle. Et vous le savez très bien. Les protestants du sud et du nord, je n'invente rien. Ceux qui sont en Angleterre, veuillez me confirmer ceci, mon Dieu, allez-y dans les musées nationaux. Et c'est ça, j'ai lu ça dans les encyclopédies, et les esprits m'inspirent, et je les date, et je les figurine de toutes ces histoires-là. Tout ceci, pourquoi? Parce que ces mecs ont senti que la première église d'État les a trompés. La première église d'État avait demandé à ses adeptes d'arracher la Bible des mains du peuple. Ce n'est pas moi, Jules César. Vérifiez Google qui était Jules César, pasteur, pour ne pas dire, qu'on appelle, pape, qui a été élu en 1550. Je vous donne des dates et des références. En tant qu'initié, je connais également l'histoire de l'homme, de l'humanité, depuis la création de l'homme jusqu'à la chute de l'homme et la réintégration de l'homme vers son divin, vers son Dieu suprême. C'est très important. Donc, partant de là, le protestantisme a vu le jour. À cause de la dictature religieuse de l'Église de départ. Voilà, c'est là où est venue à commencer la dictature. Imposer aux pauvres humains, aux adeptes de l'Église, que non, non, non, non. Contentez-vous des petits catéchismes. Contentez-vous des enseignements que l'on vous donne selon nos interprétations. Laissez, ne lisez pas la Bible. C'est Jules César qui a dit, ce n'est pas moi, rien ou bien. Jules César a dit, la Bible que vous voyez, un livre dangereux qui va créer du tumulte. Faisons tout. Faisons tout pour arracher la Bible des mains du peuple, de peur que le peuple se rende compte de la contradiction qu'il y aura entre les dogmes que nous leur enseignons à travers le catéchisme et ce qui est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi le protestantisme a eu du succès au début du XVIe siècle, par Martin Luther, un Allemand, qui se rébella vers les années 1525-1537. Et de là, donc, il y a eu cette grande révolution religieuse. Une rébellion totale. Et cette rébellion, c'était pour lutter contre la dictature religieuse qui était imposée aux gens. De ne plus avoir cette indépendance totale de lire la Bible tranquillement. Parce qu'il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 1, le verset 8, qui dit quoi? Que ce livre, la loi, c'est pas moi qui invente, hein, c'est ce qui est écrit. Josué, chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Le premier livre de celui qui avait remplacé Moïse, Tatmous. Notre parent. Voilà, il dit quoi? Que ce livre de la loi, ou que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit là-dedans. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu voudras faire. Le verset 9 ajoute, ne t'ai-je pas dit qu'il faut méditer sur ce livre? Mais voilà, c'est ça. Celui qui a écrit ça, il a dit non. Tout un chacun peut lire ce livre, le méditer. Alors, le protestantisme a vu le jour, comme je le disais. Mais est-ce que le protestantisme avait aussi du succès? Non, puisque sous le protestantisme, et là je vous amène vers le début du XVIIIe siècle, avec les églises appelées l'église luthérienne, qui vit le jour ici aux États-Unis, vers les années, si je ne me trompe point, vers les années 1727 jusqu'aux années 1748, l'église luthérienne a vu le jour. Ce qu'on appelle the Lutheran Church. And this is how, talking about the dictatorship, from our most original church called a state. State church means the church. I'm talking about Catholic church. Folks, forgive me if I'm offending you. I'm not trying to offend anybody. I'm just telling the facts. And how people dislocated themselves. How the people run away from the churches, the original churches. How the reason why people become more atheist, running away from all these religions. The basic thing is, because the Bible was not read. The Bible was not allowed to be read in the churches. The most beginning of the time, I'm talking about the 4th century. And that's why Protestantism, the first Protestants started in Germany, and we're coming about the 18th century here in the US, the Lutheran Church came about. Donc, après nous avons eu, à partir du 19e siècle, les églises qui poussèrent comme des champignons. Nous avons vu beaucoup d'autres groupes. Je ne vais pas vous faire l'historicité, car suis-je qualifié pour le faire l'histoire? Oui. Allez-y me suivre. J'ai près de 2 vidéos disponibles là où je parle de l'historicité et les origines des églises. Comment ça a commencé? C'est ici, aux États-Unis. Suite à une rébellion collective provenant justement de la dictature religieuse. La dictature veut dire imposer aux gens des dogmes qui n'ont rien à voir avec le document écrit par l'empereur romain, sélectionné et retirant près de une bonne quarantaine et laissant ainsi seulement 66 petits libres. Mais malgré le fait qu'ils ont laissé ces 66 petits livres à nos soins, ils continuèrent toujours à vouloir manipuler le peuple. Et le même livre, il est écrit par le petit frère de Jésus, soi-disant, qui a bien dit, c'est écrit, Jacques a dit que ne faites pas la politique. Mais allez-y savoir. La même église allait oindre tous les rois de la terre jusqu'au 18e siècle en France. Henri V en fait partie, Henri Ier en fait partie, Napoléon Bonaparte, qui est un grand soldat qui s'est battu pour la libération de la France et bien d'autres, en fait partie. Mais mon Dieu, allez-y vérifier, ce que je vous dis, ce n'est pas n'importe quoi. C'était l'église d'État qui oignait, pour ne pas dire, donner la bénédiction auprès des rois. Aucun roi sur terre, avant qu'on ait des présidents, ne pouvait prendre l'autorité sans la bénédiction de l'église d'État. Ça, c'est la véritable dictature religieuse. Parce que c'est Rome qui devait tout dicter. C'est Rome qui devait tout décider. Et ça se passa ainsi. Et ça se continue à se passer ainsi de nos jours sous une autre forme, malgré la fameuse démocratie ou la libération d'opinion des peuples, la liberté. Arrêtée en 1789 pour soi-disant la véritable indépendance et la révolution de la France et de la libération. sous le joug de d'autres peuples d'antan. Et je ne vous emmènerai pas en juin 1941. Vous savez ce qui se passe entre la France et l'Allemagne et ses alliés. Bref, donc la dictature religieuse, c'est celle-là. C'est le fait que, armé des connaissances que je viens de vous donner, historiques, par rapport au calendrier malsain du pape appelé Jules César en 1550, ça a créé une dislocation, une rébellion, et ainsi plusieurs groupements religieux virent le jour. Je vous ai dit, à partir du 16e-17e siècle, 16e siècle précisément, vers les années 1537-1549, un Allemand vit le jour avec son affaire de protestantisme. Protester veut dire être allé à l'encontre d'eux. C'est ainsi que les premières églises protestantes virent le jour. Les protestants ont-ils géré la chose bien? Non, nope, pas du tout. Il y a eu encore des dissensions au sein du protestantisme. Ainsi, nous avons vu la naissance d'autres mouvements religieux. Je vous parlais des adventistes du premier jour jusqu'au septième jour. Je vous parlerai de l'église éveillée, dite, appelée Pentecôte, ainsi de suite. Et les témoins de Jéhovah, qui en 1868, sous un certain monsieur appelé Charles Russell, et bien d'autres, Rutherford, vers les années 1872, amenant une révolution de détruire le dogme de l'enfer, le dogme d'aller vivre au paradis au ciel, ainsi de suite, apportant quelques explications sincères et convaincantes pour amener l'homme vers la véritable compréhension véridique. Mais malheureusement, eux encore, témoins de Jéhovah, dont je suis ancien, ils vont toujours vous dire que sont eux qui détiennent la vérité. Il n'y a que eux, les autres sont des faux. Oh, quel mensonge! Vous n'avez pas le droit de condamner les autres, car la même Bible, je vais vous lire des versets qui disent bien que ce n'est qui es-tu pour pouvoir juger quelqu'un? C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. Qui es-tu pour juger quelqu'un? Sur la base de quoi? Ta dictature? Parce que tu as interprété ce dogme de la Bible à ta manière pour imposer ta volonté, rien que ta volonté aux humains, éblouissant et éloignant les pauvres humains d'aller véritablement au paradis que Dieu a prévu, qui est en réalité une restauration de la vie paisible sur cette belle planète Terre, parce que la Bible sera en contradiction. Selon le livre de Psaume 37, verset 29, qui dit « Dieu créa cette terre pour que l'homme y vive éternellement heureux, et les méchants, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ceux qui sont en train de faire du désordre, du banditisme, et créer la dictature religieuse, seront rayés de cette planète Terre. » C'est ça que la Bible dit. Alors, chers frères, la dictature religieuse, elle est bien réelle. Donc, je vous ai eu un peu de temps, je crois, en 30 minutes, en une demi-heure, pardonnez-moi, de vous parler un peu de cette dictature, la définition. Donc, les questions qui nous restent donc, qui nous viennent à l'esprit, sont les suivantes. Le rôle de la religion dans nos vies, c'est quoi? Ça, c'est très important. Et je vais également répondre à la question suivante. A-t-on réellement besoin de religion dans nos vies, de notre jour, de notre siècle? Et l'autre troisième question va être, mais est-ce que Dieu a-t-il besoin vraiment de religion de communier avec nous? D'abord, le mot religion, là, vient d'où? Il est parti d'où? Écoutez, c'est mon rôle. Je vais pouvoir répondre à ces petites trois questions-là. Premièrement, le rôle de la religion. Que mes frères religieux ici me pardonnent. Je n'ai pas dit ici-là que Dieu n'existe pas. Je vous en prie. Oh, quel blasphème! Il existe, quel que soit le nom que l'on donne. Il existe, bel et bien. L'être suprême, l'âme universelle. L'énergie cosmique, intelligence suprême qui contrôle tout, l'origine de tout. L'énergie universelle qui est à l'origine de la création de la matière et de tout ce qui existe. Et toutes les potentialités, car nous-mêmes, nous sommes ces expressions. Allez-y lire au livre de Genèse, ce n'est pas moi qui invente. Genèse chapitre, combien là? Je crois chapitre 1. Pardonnez-moi, ceux qui sont allergiques à la Bible. Et c'est écrit dans le Coran, c'est les mêmes paroles. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu vous nécessiter de voir le Coran. Voilà. Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 27, il dit quoi? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tout. Hein? Le bétail, les poissons, la terre, en un mot. Il donne la domination, le pouvoir à l'homme pour que l'homme soit le maître de l'univers. C'était ça le rôle. L'homme devint ainsi le maître de l'univers. Et le verset 28 ajoute quoi? Le 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à son image, il créa l'homme et la femme à son image. Bon, et ensuite, le chapitre 2. Et le chapitre 2 nous dit quoi? À partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient finalement une âme vivante. Donc il devient une divinité. Voilà, c'est clair. Et ainsi, Dieu créa l'homme à son image, et l'homme devint une âme universelle. Donc, en d'autres termes, l'homme devint la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi chez les Juifs, par exemple, dans leur enseignement de la Zaphora, on nous dit que la carte de Troie, quand vous voyez la carte du roi, La tête en bas, la tête en haut. Mais en fait, c'est l'inverse, c'est la compréhension de dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Voilà pourquoi les deux triangles renversés du pentagramme, des machins de Moïse, comment il s'appelle, de David. Les juifs sont mieux placés pour vous expliquer peut-être. Bon, pas tous, moi je connais, j'ai été initié, je comprends ce que c'est. Le triangle d'en haut et le triangle d'en bas, c'est simplement la compréhension que le Dieu qui est en haut, c'est le Dieu qui est en bas. Alors tu vas chercher Dieu en haut pour aller où il est au centre, et tu es sa ressemblance, parce qu'il t'a créé à son image, à l'image de Dieu l'homme fut créé. Donc, nous sommes clairement le Dieu suprême exprimé. Nous sommes ses particules. Mais qu'est-ce qu'on va foutre dans les religions? Donc, j'ai posé la première question. Le rôle de la religion, c'est quoi? Je ne suis pas contre la religion, je le respecte. Je respecte. J'ai des amis qui sont musulmans, qui m'appellent. Je prie pour Alhamdulillah, puisque je maîtrise le soufisme, qui est l'islam mystique, c'est-à-dire les principes ésotériques, mystiques, des principes de l'applicabilité des lois du Coran. J'ai des amis chrétiens pour qui je prie, quelle que soit la religion, qui ont des problèmes dans leur vie. Parce que si réellement ces religions pouvaient les aider, si ces religions réellement, Dieu était dans ces religions, mais je ne vois pas pourquoi ils vont chercher encore de l'aide. Voilà la question fondamentale. Donc, c'est pour vous dire qu'en tant qu'initié, je travaille avec tous ces mecs. C'est des ignorants, ils vivent. Pardonnez-moi, je ne vous insulte pas, mais vous avez été embrigadés dans de l'ignorance à cause des dogmes et des doctrines qui sont loin de véritable éveil de votre conscience individuelle ou votre conscience divine qui est en vous. Parce que Dieu, en créant l'homme, en soufflant dans ses narines le souffle de vie, il mit en lui donc la divinité exprimée. Et cette divinité exprimée fait de vous un Dieu. C'est clair. Vous allez chercher Dieu où? Ce n'est pas dans les religions. Mais aujourd'hui, je dis d'une manière générale que la religion, le rôle que joue la religion, de selon les fondateurs de ces religions-là, moi je pensais que c'était pour faire des hommes, des maris meilleurs, des femmes meilleures, des enfants bien soumis, et d'expliquer la science également. Parce que je vous ai prouvé la dernière fois que le fameux Léviathan dont parle la Bible, et ce n'est pas le diable, mais c'est plutôt le sous-marin. Et quand vous analysez les écrits du prophète qui a écrit cette affaire de Léviathan, mais aujourd'hui toute la description correspond exactement au sous-marin. Le sous-marin a des armes interplanétaires. Il est capable d'éjecter certains missiles sol-sol, à partir du sous-marin, qui a des centaines de milliers, des centaines de mètres sous le sous-sol, dans la mer. Vous comprenez? Donc, je vais dire que le rôle de la religion devait être, je dis bien devait être, parce qu'aujourd'hui, il ne joue plus ce rôle, devait être celui-ci, de mettre et de créer des citoyens honnêtes, de faire en sorte qu'il n'existerait plus de prison, de faire en sorte qu'on n'aurait pas de gouvernement corrompu, de faire en sorte qu'on ne va pas aller donner des bénédictions à des dictatures, politiciennes, mais politiques bien sûr, de faire en sorte qu'on n'a pas le droit de dominer l'autre race par rapport à l'autre. C'est ça le rôle d'une religion. Mais malheureusement, les mêmes religions, allez-y savoir, je parle ici des religions de manière générale, les religions importées, pas nos religions négro-africaines, parce que les religions négro-africaines n'ont rien à voir avec tout ce bordel-là. Vous comprenez? Je prends un exemple typique. Les religions des Blancs, le christianisme. Savez-vous que c'est le christianisme qui est à l'origine de l'esclavage? Pour ceux qui me suivent pour la première fois, ne soyez pas offensés. L'esclavage a été instauré par des chrétiens. Oui, ce sont les protestants, avec l'appui de certains écrivains, tels que Guy de Maupassant, qui était un écrivain français que je respecte. Mais vraiment, quand j'ai lu ces écrits-là, c'est un banc de voyous. Il a dit que l'homme noir ne vaut la peine de vivre. Mais pourquoi ils ont cette haine contre le noir? Je vous expliquais dans plusieurs enseignements. Et même les Blancs, ils le savent que le premier être qui a été créé sur Terre, c'est le noir. L'être le plus puissant, ayant détenteur de tous les savoirs. Moi-même qui vous parle, je n'ai aucun doctorat, je n'ai aucun master sur l'éducation, de l'histoire ou de quoi que ce soit. Mais l'intelligence sublime, la conscience, le subconscient individuel que j'ai, qui se connecte avec le subconscient supérieur au travers de la carte magnétique ou la carte mémoire que Nzamba Kana a mis à moi, allez-y lire de n'importe quel livre ou renseigner, chercher. Qui vous parlera de cette carte mémoire, si ce n'est que moi? Et si j'en parle, c'est parce que les maîtres m'inspirent, les maîtres me donnent des idées et de les transmettre. Donc, la religion, son rôle devait être normalement d'éduquer les gens, de faire en sorte qu'il n'existe aucune prison. Là où je vis aux États-Unis, allez-y savoir. Toutes les prisons sont remplies des individus. Et vérifiez, 90% c'est des croyants. Du moins, chrétiens, et qui deviennent des musulmans par la suite. Pourquoi? Parce que ça crée la rébellion. Oh, alhamdulillah. Astaghfirullah, que mes frères musulmans me pardonnent. Astaghfirullah veut dire que je demande pardon à Dieu pour ce que je vais dire, mais c'est la vérité malheureusement. Parce que beaucoup de gens intègrent la religion d'islam parce que c'est une religion qui entraîne la rébellion de l'esprit. Les gens se rebellent. C'est la seule religion qui aujourd'hui fait en sorte que les hommes peuvent se réveiller, se révolter. Malheureusement, le mauvais côté, on trouve des extrémistes, tout ça là. Bon, je ne soutiens pas l'extrémisme. OK? Donc, la religion, son rôle devait normalement d'éduquer les hommes, de mettre de meilleurs humains sur la, de faire en sorte que les gens mènent une meilleure vie. Je vous donne un exemple, hein, s'il vous plaît. Pardonnez-moi de vous fatiguer avec les versets bibliques. Allons-y dans le livre des Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Le fondateur de l'église, des églises chrétiennes. Il nous dit quoi? Nous allons écouter, hein, ce n'est pas moi qui écris. Galates, chapitre 5. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Moi, j'ai cette confiance. Oh. Moi, j'ai cette confiance-là en vous, que dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Moi, ce que je vous dis, c'est ceci. Voilà, ajoutera-t-il. Est-ce que je suis sur le bon verset? Voilà, oui, je suis là. Je vous dis ceci. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. OK? Et si vous marchez selon l'Esprit de Dieu, vous n'allez plus accomplir les désirs bizarres de la chair, là. La politique, le mensonge, le désordre, la fornication, le vin et tout ça, l'ivrognerie. Le verset 17 ajoute, car la chair, donc ce corps matériel là, a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc ces deux-là, c'est-à-dire l'Esprit de la chair et l'Esprit, comment dirais-je, les fruits de l'Esprit et les fruits de la chair, ils sont en contradiction dans votre corps. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. À chaque fois que tu veux faire ce qui est bien, c'est ce qui est mauvais qui vient. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous ne devez plus être sous ces choses-là. Voilà pourquoi. Le verset 19 ajoute. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est quoi? C'est la fornication, l'impudicité. C'est l'impureté, c'est la dissolution, c'est l'idolâtrie, c'est la magie, c'est les inimitiés, c'est les querelles, c'est les jalousies, les animosités, des disputes, des bagarres, les divisions, les sectes, la création de religions bizarres, les envies, l'ivrognerie, les excès de table, les excès de vin, manger trop, la gourmandise. Mais moi je vous dis d'avance que tous ceux qui font ces choses-là, même s'ils vont dans les églises, ils sont complètement dans les œuvres de la chair. Maintenant, le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est-à-dire que si vous êtes conduit par l'esprit de Dieu, si vous êtes un homme qui suit réellement le rôle de la vraie religion, voilà ce que la vraie religion devait nous dire, nous transformer. La vraie religion devait faire de nous des hommes différents, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, être trop patient. Mais quand vous avez ce genre de choses-là, mais la loi n'est plus contre vous. Quand vous avez ce genre de choses, vous n'avez plus besoin de religion. C'est vous, c'est pas moi qui parle, c'est l'apôtre Paul. Donc vous comprenez que le rôle de la religion, normalement ça devait être ça. C'est d'expliquer aux gens des choses comme ça-là. Mais vous allez dans l'église, vous trouvez encore, vous allez dans ces religions-là, vous trouvez des gens qui sont encore des voyous, des bandits, qui soutiennent des dictatures, qui forniquent, qui mettent les doigts dans les fesses des femmes, soi-disant ils vont prier pour eux. Mais quel verset de la Bible le dit, mon Dieu? Même nous, dans le Bouti ou bien dans d'autres initiations où j'ai été. Mais la femme est considérée comme l'être sacré. C'est la déesse, c'est notre mère. Parce que sans la femme, je n'existerai point. Dieu a décidé que l'homme vienne à la vie à travers la femme, mais mon Dieu. Vous allez mettre les mains entre les fesses de cette femme, soi-disant vous allez la délivrer. Et nos mamans là aussi sont tellement naïves. Parce qu'elles veulent, elles ont l'amour. Elles ont cet amour agapé, l'amour de tolérance, de compréhension, de souci, du bien-être des enfants ou du mari. Elles sont toutes les premières à se tracasser. Et quand elles aiment, elles sont très sincères. Nous les hommes, rien, on est des voyous, des bandits. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit dans mes enseignements que la femme aime plus que l'homme n'aime. Pardonnez-moi, ce n'était qu'une parenthèse, je ne veux pas créer ici des histoires de féminisme. Mais juste pour vous dire que c'est ça le rôle de la religion. C'est d'amener l'homme vers la lumière. C'est d'amener l'homme vers l'accomplissement d'un véritable être. Or, le véritable être fondamental que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est celui qui fonctionne selon Galates chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 24. C'est-à-dire, il est dans la joie, il est dans la paix, il est dans l'enseignement comme je le fais, il met les gens à l'aise, il rigole, il ne choque personne, il ne tue pas des principes immuables de la nature. Il est en harmonie totale avec lui-même, il est en harmonie avec les dieux, il est en harmonie avec les quatre éléments de la nature. Ces quatre éléments, faut-il le rappeler? Air, feu, eau, terre. Il est en harmonie avec cela. Quand quelqu'un est malade, il prend la plante, il va aider son frère. Il donne à manger aux pauvres, à celui qui manque. Même les Jacques, là, Jacques, il dit, la vraie religion consiste à faire quoi? C'est d'assister les veuves, c'est d'assister les orphelins, c'est d'aider ceux qui sont dans le manque. Voilà la vraie religion. Le temps est trop long que je vais vous prouver par A plus B que même les histoires des offrandes, les histoires des dîmes, là, qu'on impose aux gens, c'est des conneries. Parce que l'apôtre Paul a dit, à propos des dîmes, que quelqu'un vient me dire le contraire. L'apôtre Paul a dit ceci. Donnez selon ce que vous savez et donnez avec un bon cœur. Et personne n'a le droit de vous imposer de ce que vous allez donner. Si on vous demande de donner 10%, ça a une raison fondamentale. Et là, je peux vous amener dans l'Ancien Testament pourquoi on imposait aux gens de donner le 10%. Ce n'est plus valable de nos jours. Vous verrez des pasteurs qui vont vous lire le livre de Malachie pour dire que c'est celui qui ne donne pas. Il va interpréter à sa façon que celui qui ne donne pas, il va être maudit. Il va être frappé par la gifle de Dieu. Mais mon Dieu, arrêtez-moi cette dictature. C'est ça, c'est de la dictature religieuse. Vous venez raconter n'importe quoi aux gens. Vous comprenez? Donc, la religion, je disais, son rôle, c'est celui-là, de faire de vous des bons citoyens. Pourquoi je dis c'est des dictateurs? Mais parce qu'on ne joue pas ce rôle. On trouve plein de voyous, des assassins, des ceci, les prisons à gauche, à droite. On trouve des dictatures. Aujourd'hui, j'ai appris que dans mon pays, le Gabon, pardonnez-moi de mélanger un peu la politique. J'ai appris là récemment que hier, tout le clergé gabonais, quand je dis le clergé, c'est-à-dire que tous les chefs religieux, en principe les catholiques, tous se sont retrouvés, tous les abbés là, tous les évêques. J'étais surpris. Oh non, maintenant là, on est concerné par la situation du Gabon. Ah là, maintenant. Oh, mais vous étiez où depuis le mois d'août 2016, quand le peuple gabonais avait été massacré, quand la diaspora crie à gauche, vous étiez où? En attendant, on les a vus. Allez bénir. Allez soutenir. Écoutez, moi j'aime bien tous les Gabonais. Moi je ne suis pas là pour... Je suis neutre dans les affaires politiques. Mais je veux dire que quand il y a un côté politique, quand il y a un leader qui encourage le massacre, qui encourage le sang se verser, ben écoutez, et qui n'a pas gagné, donnez à celui qui a gagné, que ce soit un ping ou je ne sais qui, donnez. Mais regardez, c'est ça, cette dictature, elle est maintenue par qui? Je vous ai dit que ça date de depuis Rome. Ça a commencé depuis Rome. Je vous ai dit que tous les rois, vérifiez-moi les livres d'histoire, s'il vous plaît, vous qui lisez les livres là. Moi, je les lis plus à peu près de 20 ans. Hein? Moi, mes archives que je lis, c'est dans les machins là-bas, les archives à cacher. Tous les rois de la terre étaient bénis par un pape. C'est comme ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, il faut la complicité du clergé. Allez-y savoir ce qui s'est passé au Congo Kinshasa, non? Martin Fayoulou. Hein? Martin Fayoulou a eu le soutien de qui? Du clergé. Alors, bon, ceux qui sont nouveaux là, si vous ne connaissez pas le mot religion, ça vient du latin, du grec, religare. Religare veut dire chercher à se relier à. Quand vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 2, et même le chapitre 3, que j'aime bien, chapitre 3, verset 22, que je vais lire pour vous, vous verrez que Dieu n'a pas donné une religion à un homme. La religion, c'est une fabrication pure et simple de l'homme. Le mot religion vient de religare, qui veut dire chercher à se relier à. Fabriquer un moyen de communier avec Dieu parce qu'il est incapable de résoudre ses problèmes au quotidien, donc il faut trouver des moyens, et ceci, cela, sous couvert des techniques de manipulation psychologique, sous couvert des techniques de dictature imposée. C'est-à-dire, cette dictature également consiste à ces religieux de ne pas vous donner la liberté de venir suivre le live auprès de M. Moiréon ou bien, afin que vous ayez quelques connaissances qui peuvent vous permettre d'évoluer dans votre vie. Et ces connaissances, M. Moréon Ouvier vous demande et vous donne le libre choix d'appliquer ce qui est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, de choisir ce qui est bon, si ça vous aide pour votre développement personnel, mais si ça ne vous aide pas, rejetez. M. Moréon Ouvier ne vient pas vous imposer, il vous donne le libre arbitre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, que Dieu créa l'homme à son image en lui donnant le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. On n'a pas le droit de venir vous imposer des choses. Même le créateur de l'univers a donné l'homme le libre arbitre. Et alors, où sort cette affaire de dictature? Voilà le véritable dilemme. Et voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous en parler. Cela est très, très important. Religion vient de religare. Religare, moyen de chercher à se relier à. chercher à se relier à un super idéalisme. C'est-à-dire, en dehors de moi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va m'aider. Alors, nous, en tant qu'initiés, on n'a pas besoin de chercher en dehors de nous-mêmes. Parce que Nzambakana, le Dieu suprême, avec tous les autres dieux, d'ailleurs, ce n'est même pas lui qui a créé. Il a délégué des pouvoirs aux dieux. C'est écrit, hein, Elohim. Elohim, en hébreu, veut dire les dieux. Ainsi, les dieux créèrent l'homme dans un grand laboratoire, quelque part, non loin du Gabon. Et ce n'est pas de la folie, parce que c'est confirmé par des Poitiers. Un groupe de chercheurs français bien reconnus, qui travaillaient même avec des Canadiens et des Américains, qui sont même partis après leur découverte du mois d'avril 2018, découvrant que la première cellule vivante, ou découverte dans un fossile, et lequel fossile a été découvert à Mounana ou à Mwanda, je ne sais pas trop où, dans la zone du Haut-Ogoué là-bas, et de l'Ogoué-Lolo. Donc, vous n'avez pas besoin de religion. Quand vous êtes un initié, quand vous connaissez ces principes et tout cela, la religion négro-africaine est la seule qui est capable de vous expliquer. D'abord, je n'utiliserai pas le mot religion. Mais on est obligé d'utiliser le mot religion négro-africaine parce que, par comparaison à ces histoires-là que les Blancs viennent nous imposer, que mes frères Blancs me pardonnent, moi, tous mes amis, c'est les Blancs. L'ami qui me suit, un ami d'Américain qui me suit, il est Blanc. I'm sorry, man. I'm telling the truth over here. I'm not trying to be against the white man. What I'm saying is the white man, our brother of the other color, he came and based all his dogmas and doctrines imposing to the black man, saying we have no sense, we have no essence, we have no origins or something, imposing the belief system, the whole belief system based on lies and making us ignoring, I would say, turning away our own religion, our own belief system. We got it from our ancestors. That's what I'm talking about, bro. Don't get offended. But anyway, I will fully give this teaching in English on my other channel, remember. But you said you want to come over and watch what I'm talking about here. So, you know, I'm going to take opportunity, just 2-3 minutes, try to translate into English with you. But don't worry. I'll give this full teaching in English in the other channel where we meet. Now, la religion, c'est ça. Alors, Dieu a-t-il besoin de religion pour communier avec nous? La réponse est non. Je vous le dis, c'est automatique, non. Que quelqu'un vienne me prouver le contraire. On n'a pas besoin de religion pour se communier avec Dieu. Je l'explique dans mon enseignement sur la carte mémoire. Suivez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. J'explique cela. En fait, lui-même, Nzambakana, à travers ce génie qu'il a délégué, ils m'ont influé, ils m'ont infusé tout cela pour vous dire en réalité comment ça se passe. Vous n'avez pas besoin de religion pour que Dieu s'occupe de nos histoires. Non du tout. Rien. Non. Et je crois que l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, ne dit-il pas que le salut est personnel? Hein? Vous qui venez imposer les gens les religions là. L'apôtre Paul, le fondateur du christianisme, dans Romains, le livre de Romains, à partir du chapitre 8, on veut dire que par la grâce de Dieu. Oh, il y a même certains qui justifiaient cette terminologie que, oh, je lis, mon frère, ma soeur, faut pas venir me juger. Oh. Moi, je lis par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Parce que moi, je suis imparfait. Qui vous a dit que vous êtes imparfait? Qui vous a dit que l'être humain doit être imparfait pour le reste de sa vie? Tout être humain sur terre, être humain par ignorance, mais être divin par élévation spirituelle et l'éveil de la conscience et par suractivation de sa carte mémoire ou par l'éveil de son subconscient individuel, est perfectible. En d'autres termes, quand vous rentrez dans la voie de l'initiation, vous rentrez sur le chemin du perfectionnement. On vous explique mieux ce que les chrétiens ou les religions appellent le péché. Mais allez-y se voir dans ces églises. Vous payez les dîmes, vous payez ceci, mais vous continuez à vivre, à patauger dans le péché. Les gens continuent à commettre des adultères. Les gens continuent à mentir. Les gens continuent à être dans l'hypocrisie. Les gens continuent à être des pédés, des homosexuels, je ne sais trop quoi. Donc je ne suis pas contre, je respecte leur liberté. Mais cela va à l'encontre des religions. C'est une violation pure et simple. Laissez donc la pauvre Bible tranquille. Laissez la pauvre religion tranquille. Parce que vous-même, vous établissez ces dogmes-là, vous dites, oh non. Quand tu es un homme de Dieu, il ne faut pas commettre l'adultère. Quand tu es un homme de Dieu, il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire ceci. OK. Mais en tenez-vous à cela. Mais on vous voit, vous allez encore faire le contraire de ce que vous dites. Vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul lui-même, hein, que vous suivez, qui a formé cette affaire de l'Église-là, il a dit que le salut est personnel. Vous comprenez? Le salut est personnel. J'ai dit, posez-moi les questions à la fin. Et puis, comment communiquer avec Dieu? Il y a 2 vidéos qui sont disponibles, vous les nouveaux là. Allez-y, me suivre cette vidéo. J'explique comment communiquer avec Dieu. Comment communiquer avec nos ancêtres. Comment communiquer avec les génies. Il y a 2 vidéos. Hein? Je vais plus venir répondre à ces questions-là ici. Là. Bon, mais posez-moi les questions à la fin. Ça ne me dérange pas de toujours répéter les mêmes choses. Bon, maintenant, Dieu a-t-il besoin de religion? Je vous ai répondu, non. Parce que depuis le commencement de l'histoire de la création de l'homme, allons-y dans Genèse chapitre 3, verset 22. Genèse chapitre 3, verset 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel Dieu dit, bon, là pour votre information, il ne s'agit pas hein, de l'Éternel Dieu. Parce que je vous ai dit que la Bible telle qu'elle est traduite, c'est du mensonge. Ce sont les dieux, les Elohim. Le mot Dieu, l'Éternel ici est traduit par Elohim. Moi j'ai fait l'étude de grec, l'étude de l'hébreu. Bon, les pasteurs et les prêtres qui connaissent l'hébreu là, on vous a dit que Elohim c'est quoi? Elohim c'est le pluriel de Eloa. Ok? Donc on nous dit, et les Elohim, donc au lieu de dire Dieu l'Éternel, on dira, et les dieux dirent. Et les Elohim dirent, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Ben voilà pourquoi je dis ce contradictoire, parce que tu dis que l'Éternel Dieu dit, et voici que l'Éternel Dieu dit, si je vois cette version qui est fausse, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Non, il devait dire, voici comment l'homme est devenu comme moi, au lieu de dire comme l'un de nous. Parce que si c'est vraiment l'Éternel Dieu, il s'agit d'un seul Dieu. Mais maintenant, si vous dites un seul Dieu, après vous dites encore, il est devenu comme l'un d'entre nous. C'est pour ça que je vous dis que cette version-là n'a pas besoin d'être interprétée. Il y a eu des erreurs. C'est les Elohim. Allez-y demander. N'importe qui, même les pasteurs, je ne sais pas dans quelle école de théologie sont partis, mais vous verrez que les premières paroles de l'évangile, comment dirais-je, de la Genèse, c'est traduit par Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloa. Je connais des anciennes chansons de l'église chrétienne. Eloa, oh Yahvé, oh Eloa, Yahvé, oh Yahvé, le Dieu unique. Voilà, c'est ce que ça veut dire, Eloa, Yahvé. Mais quand on dit Elohim, ce sont les dieux. Bon, bref, pardon. Bon, lisons ça tel que c'est traduit comme ça, tout en admettant, comme je vous l'avais dit la dernière fois, pour ceux qui sont premiers ici, hein, l'auteur qui a écrit cette Bible s'appelle Louis II, docteur en théologie. Il dit que cette Bible a été traduite d'après les textes originaux, mais on nous dit que c'est une édition qui a été revue et corrigée. Donc, il y a eu des erreurs. Hein, donc, ça a été revue et corrigé. Donc, ne le blâmez pas. Allons-y. Maintenant, Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, ou les dieux disent, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le donc d'avancer sa main maintenant, de prendre l'arbre de vie là, pour qu'il puisse connaître l'éternité. Bon, maintenant là, on dit quoi? Ça veut nous faire comprendre que quand Dieu a créé l'homme à son image et faisant de l'homme, faisant de l'homme la ressemblance de Dieu, bon, maintenant nous sommes devenus comme l'entre, comme ça dit le verset. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, donc comme l'un de nous, c'est qui? Il est devenu maintenant un dieu, il est devenu un dieu comme nous. Puisque la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu fut l'homme, l'image de Dieu, l'homme fut créé, et l'homme devint la ressemblance de Dieu. Nous sommes Dieu exprimé. Même dans la théosophie, hein, dans la philosophie, en théosophie, et dans tous les enseignements mystiques, ésotériques, même en Égypte, et même dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, on vous dira la même chose. Ça, il n'y a rien d'étrange. Ils ont pris ça dans nos enseignements égyptiens. Dans les sarcophages et tout cela, dans la technologie de la compréhension des pyramides, on nous explique que l'homme n'est autre qu'une particule divine. L'homme n'est que le Dieu exprimé dans sa définition tridimensionnelle, dans sa définition existentielle. Moi, mon existence, c'est Dieu exprimé. Par la preuve en est que tout ce que moi je vous dis, je ne lis pas. Je l'ai toujours répété. J'ai fait des conférences, les gens même sont surpris. Même en mathématiques, vous me posez des questions de n'importe quelle équation, je réponds. Je n'ai pas de livre. Pourquoi? Parce que je suis sous inspiration des esprits, des machins. Appelez ça comme vous voulez. Parce que j'ai vu certains qui te disent, oh, c'est le démon ou le diable. Ok, comme vous voulez. Mais moi, je vous dis que nous sommes l'image, nous sommes la ressemblance de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et après qu'il ait soufflé le souffle de vie, donc qu'il ait soufflé le souffle de vie en nous, ils nous ont donné donc le potentiel de vivre éternellement. Bon, mais le potentiel de vivre éternellement, nous l'avons perdu. Mais c'est pour cela, dans la science préscience, dans la préscience ou dans l'omniscience divine, donc les dieux ont décidé que nous allons créer un autre phénomène qu'on appelle le phénomène de désincarnation et d'incarnation et de la réincarnation. Je répète, désincarné, réincarné et désincarné, incarné, désincarné et réincarné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que c'est, allez-y. Certains ont étudié la Rose-Croix, ils ont étudié la franc-maçonnerie et même dans les églises réellement, on explique ce phénomène-là. Une incarnation, c'est prendre chair. Incarné, ça vient d'incarne, incarnare, en latin, incarnare, carnare, c'est la chair, donc prendre forme de chair, pourquoi? J'explique, allez-y monsieur, ma vidéo qu'on appelle intitulée, la vidéo sur la mort, j'explique cela, La mort, c'est quoi? C'est une séparation pure et simple ou une transition. Vous transitez de votre corps matériel, donc votre âme sort de ce corps matériel grossier, soit pour des raisons de santé, pour des raisons de vieillissement, pour des raisons de fatigue ou des raisons de sida, je ne sais pas trop quoi, qui dont votre corps physique a été altéré ou atteint, et puis vous quittez ce corps. Donc il y a une désintégration. Et cette désintégration, elle est évolutive, selon la technique que je vous ai montrée il y a 2 jours. Sur la mort lente, j'explique le rite plutôt de la mort douce, ou comment on appelle ça. Oui, le rite sur comment mourir lentement ou comment connaître la bonne mort, autant pour moi. La bonne mort, voilà, c'était le titre. Je vous l'ai dit là il y a 2 jours, avant-hier. Comment faire, préparez-vous à connaître une bonne mort. Pourquoi? Mais parce que votre corps divin, votre corps spirituel, quitte ce corps matériel le plus grossier, lequel corps, comme je l'ai toujours dit depuis le début, est constitué d'une multitude de corps, parmi lesquels il y a le corps éthérique, il y a le corps mental, il y a le corps psychique, il y a le corps ésotérique, et le corps astral, et tous ces corps-là sont à l'intérieur et à l'extérieur. Et à l'extérieur, nous avons un corps qu'on appelle le corps orapicien, donc l'aura, capacité de pouvoir lire le magnétisme résultant de l'électromagnétisme qui résulte de votre état d'âme, de votre comportement et de l'observation des dogmes ou des principes universels immuables qui transforme votre vie et faire de vous quelqu'un de meilleur dans votre vie. Donc, la religion n'a aucune importance dans la vie d'un individu. Alors, selon Genèse chapitre 3, verset 22, comme l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, c'est-à-dire que comme l'homme est devenu maintenant comme Dieu, alors, laissons-lui la liberté, empêchons-le simplement de lui avoir accès à la vie éternelle. Mais maintenant, aujourd'hui, je vous dis que l'homme est en arrivée là. Si vous prenez à la lettre ce que dit les écrits sacrés, que Dieu rentra dans son repos le 7e jour, après avoir créé l'homme au 6e jour, et Dieu rentra au 7e jour. Mais je vous l'ai expliqué, veuillez me visionner cette cassette-là. Je vais dire la vidéo sur la carte mémoire. Je vous explique très bien ce qui s'est passé. Je ne reviendrai plus dessus. Je vais simplement dire que la véritable dictature est un danger pour ces religions. Pour le peuple, je voulais dire, le pauvre peuple innocent. On les terrorise. On les terrorise par des dogmes étrangers. On les terrorise par des conneries. Bon, ça, c'est un pasteur qui m'a donné, je ne vous cache pas, je communique avec eux. Cette dame-là m'a donné un verset. On va voir si ce qu'elle dit là est vrai. Nous allons vérifier. Elle m'a donné le livre d'1 Corinthiens, chapitre 16, verset 17 jusqu'à 19. Et Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, 29. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu me dire. Bon, mais écoutons, nous allons lire ça. Parce que je vous dis, je suis suivi par beaucoup de gens, les prêtres, les pasteurs et tout ce monde-là. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? 1 Corinthiens, ou bien elle veut que je l'enseigne, hein, peut-être, je ne sais pas. Elle doit être branchée là. 1 Corinthiens, chapitre 16. Voilà ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 16, le verset 17 à 19. Voilà, je vais lire ça. 1 Corinthiens 16, le verset 17 à 19. Ok. Ayez-vous aussi de la référence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent dur à la même œuvre. Oh. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou bien c'est 2 Corinthiens? Attends. Pardonnez-moi, oh, madame le pasteur, je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompé. Bon, je ne sais pas ce que la sœur veut dire, mais apparemment, je ne trouve pas une clarté dans ce verset-là. Je ne comprends pas. Bon, lisons Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Et puis Dieu dit, versets 26 et 27, et puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à son image, et l'homme et la femme, tous furent créés à l'image de Dieu, devenant ainsi sa ressemblance. Et le verset 29, alors là je comprends pourquoi il m'a fait lire le verset 29, parce que je lui ai dit que moi j'étais végétarien. Et le verset 29 ajoute, et Dieu dit, voici, je vous donne et je vous autorise de manger toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tous les fruits de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant la semence. Ce sera ça, ce que vous allez manger. Verset 29. Bon, je ne sais pas pourquoi il m'a donné ce verset. Bon, écoutez, ça ne fait que confirmer ce que je viens de dire. Que je crois que c'était dans le sens de la dictature, mais je veux faire des recherches. Je crois que ça doit être Corinthiens, chapitre 6 ou quelque chose. Parce que je me souviens avoir lu ce passage où il dit que non, vous ne devez pas traiter les membres de l'Église avec autorité, en dehors de l'autorité qui vient du Christ Jésus. Je répète, vous ne devez pas créer les membres de l'Église avec une autorité humaine, différente de l'autorité venant du Christ lui-même. En d'autres termes, vous ne devez pas traiter les frères et les sœurs de l'Église en vous comportant comme des dictateurs. Parce que la dictature, c'est celle. Nous avons fait un brassage sur tout. Pour me résumer sur cet enseignement en disant ceci, avant que je ne vous accepte vos questions maintenant. Donc, la dictature religieuse, c'est quoi? C'est que là, vous venez suivre mes enseignements ici. Beaucoup d'entre vous êtes des chrétiens. Il y a des musulmans qui me suivent. Vous comprenez? Or, la majorité des religions, ils ont ce qu'on appelle le phénomène de schisme. S-C-H-I-S-M-E. Schisme. C'est une cassure brutale. C'est une cessation spirituelle. Une cassure de votre âme individuelle à l'âme collective greffée sur cet égrégore. Donc, ça crée des problèmes graves. Moi, je vous ai parlé dans une vidéo où quand j'étais témoin de Jéhovah, je connais des frères qui sont devenus fous. Fous dans le sens où ils mènent une vie désorganisée maintenant parce qu'ils ont connu ce schisme. Le schisme, c'est quoi? C'est que quand vous êtes attaché à ces églises-là, là, j'explique ce qu'on appelle la dictature religieuse, hein, s'il vous plaît. Dans la dictature religieuse, c'est ceci. On vous impose des connaissances. On vous dit que, en dehors de nous, ce qu'on vous donne là, mais comme l'a dit le document du Fonds latin 648-150 de Jules César, qui a été élu pape en 1550, comme je vous l'ai dit. Donc, ce sont eux qui doivent dicter votre vie. Ils dictent comment vous devez vous comporter, ils dictent comment vous devez penser, et par conséquent, vous n'avez pas droit à avoir accès à d'autres connaissances. Vous comprenez? Je m'en souviens quand j'étais témoin de Jéhovah, on m'interdisait de lire les livres de philosophie. Mais eux, ils ne savaient pas qu'entre-temps, j'ai commandé mes livres en France, j'ai commandé mes livres en Inde. Ils ne savaient pas. Donc, c'est pour cela que je vous ai parlé hier du silence. C'est très important que vous maîtrisiez la loi du silence. La loi du silence consiste à quoi? Mais quand on vient vous donner ce genre d'enseignement, je sais que certains d'entre vous êtes des pasteurs, certains sont des chrétiens. Bon, quand vous suivez ces enseignements que je vous donne, mais ça vous aide dans votre évolution au sein de votre église. Et vous allez découvrir qu'au fur et à mesure que vous assistez et que vous suiviez mes vidéos, certes, je parle avec beaucoup de passion, pardonnez-moi, mais c'est comme ça. C'est l'esprit de Nzambakana, que les chrétiens appellent ça le Saint-Esprit comme ils veulent. Moi-même, je suis un ancien pasteur, je connais. Donc, au fur et à mesure que vous avancerez dans cette appréhension et compréhension de ces principes humiliables et spirituels, et même dans la mystique chrétienne, que j'avais commencé un moment, mais j'ai arrêté. Donc, cette mystique chrétienne, c'est la compréhension ou la mise en applicabilité, la mise en application, tant pour moi, des enseignements qui sont renfermés dans cette même Bible, donc qui a été interprétée de manière dictatoriale. Voilà le problème. On vous a dicté, on vous a imposé ces conneries-là. On vous vient vous poser les mains sur la main. Quelle Bible qui dit qu'il faut poser, forcer la main sur quelqu'un? Ça n'existe nulle part. Il est écrit dans le livre de Jacques que lorsque quelqu'un est malade, on demande aux anciens de l'église. On dit bien aux anciens. Donc, ils doivent être plusieurs. Ils vont mettre les mains vers le malade. Mais on n'a pas dit de pousser, au nom de Jésus. On n'a pas dit ça. Voyez-vous, ça, c'est de la dictature. Et on a vu des membres des églises fuir les églises. Quand ils arrivent à la maison, ils ont des maux de tête. Et le pasteur va dire, oh ma servante, ça va? Oh non, j'ai mal à la tête, oh pardon, la prière là. Oh non, mais ce sont les démons. Quel démon, mon Dieu? Le démon n'a jamais donné le maux de tête à quelqu'un. Toi, tu es comment, pasteur? Vous comprenez? Donc, c'est au fur et à mesure que moi, je vous donne mes éclaircissements. Mais aujourd'hui, la majorité des églises n'aime pas ça. Je vous dis que j'ai des adeptes, des pasteurs. Voilà, cette dame-là qui m'a écrit, elle est pasteur. Machin. Au Congo Kinshasa, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup là qui sont pasteurs, machin. Il y a même des prêtres, des amis prêtres qui me contactent, qui me félicitent de ce que je fais. Aux États-Unis, j'ai des amis pasteurs, blancs comme noirs, américains comme africains. Et je leur donne cette. À cause de ça, ils m'admirent parce que je leur dis non, lisez vous-même, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Pour ceux qui sont nouveaux, hein, moi vous pensez que moi j'invente. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Ah, Nzambakana. 1 Thessaloniciens, c'est avant le livre de Corinthiens. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Voilà ce qu'il dit. Ça, c'est la version là de Louis II. Mais quand je vais vous lire le français courant, vous allez rigoler. La version de Louis, la version de Louis II dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mais dans la version du français courant, il dit, veillez diligemment analyser tout enseignement que l'on vous apporte. Et maintenant, si vous voyez que ce n'est pas conforme à votre compréhension, si ce n'est pas bon, à laisser tomber. Choisissez ce qui est bon pour votre évolution et rejetez ce qui n'est pas bon pour vous. Cette loi fondamentale de 1 Thessaloniciens 5, verset 21 n'a jamais été appliquée dans la majorité des religions. Je vous en prie. Prouvez-moi le contraire. J'ai fréquenté plus de 11 églises, y compris les témoins de Jéhovah qui n'ont pas une église mais une congrégation. Ils croient au royaume de Dieu, que Jésus est roi depuis 1914, ça c'est leur dogme. Mais moi je vous dis que aucune église ne va vous donner ce libre arbitre. Alors que Genèse chapitre 1 nous dit Dieu créa l'homme et lui donna le libre arbitre de décider de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Il a mis ça en l'homme. Au point où soit tu vas là-bas te buter, tu vas faire du mal, tu vas aller engrosser une femme, ou bien toi la femme là, tu es là, alléluia, alléluia, tu vas aller coucher avec le pasteur, après tu diras oh, que Dieu me pardonne, ceci, cela. Non, mais c'est ton libre arbitre, c'est toi qui as décidé de le faire ainsi, ce n'est pas Dieu. Arrêtez parfois d'accuser le diable. Moindre chose, oh, le diable est trop fort, oh, le diable m'a eu, oh, mon Dieu Seigneur, ah, oh, Seigneur, le diable m'a eu. Oh, quel est le diable? Laissez le diable tranquille. Dieu a donné en nous le libre arbitre. Comprenez? Donc c'est ce libre arbitre qui vous donne cette opportunité d'appliquer le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Que toute connaissance, la version des témoins de Jéhovah aussi, je l'aime bien. La version des témoins de Jéhovah dit ceci. Toute connaissance qui vous est apportée, scrutez les Écritures et gardez ce qui est bon et rejetez ce qui n'est pas bon. Vous comprenez? Mais c'est un conseil sage. Mais qui a écrit ce machin-là? C'est l'apôtre Paul, non? Le fondateur du christianisme, mon Dieu. Que nous, on va s'affoler à soulever les Bibles. Oh, yo, la Bible, oh, la Bible. Oh. Mais c'est ça, ce qui est écrit là-dedans. Donc, la dictature religieuse, c'est la quoi? Quand vous partez à votre église ou à votre religion, mais on vous interdit d'avoir accès au livre bleu. Où est le livre bleu là-même? Parce que quand j'ai sorti ce livre bleu hier, oh, il y a quelqu'un là qui a sauté. Oh, non, non, non, Mando, moi, je veux partir. Oh, ça, c'est le diable. Voilà. Vous comprenez? Pourquoi? Mais parce que ces mecs-là, ces femmes-là ou ces hommes-là sont sous une dictature religieuse telle qu'on ne leur permet pas d'avoir accès à d'autres connaissances. Vous partez à l'église tous les jours, vous priez. Pourquoi il y a des gens qui me contactent? Oh monsieur, on oublie vraiment prier pour moi, oh, moi, ça ne va pas, ça ne va pas. Et même les pasteurs. Et quand je prie, les miracles, c'est machin. Mais quelle est la différence entre le pasteur et moi maintenant? Allez-vous me dire que moi je prie pour lui parce que je suis possédé par le diable maintenant? Quel diable? La connaissance. Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 3, dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. Et de cette libération, votre âme rentre en connexion avec l'âme universelle Zambakana. Pourquoi? Parce que votre carte magnétique, votre carte mémoire est activée. Et cette activation passe par une prise de conscience d'abord individuelle et ensuite collective par rapport au groupement que vous suivez. Si vous venez suivre mes enseignements ici que je transmets gratuitement, pour le moment, avant que ça ne soit fermé, au plus tard, dans quelques mois, ça va être fermé. Et désormais, vous allez me suivre dans d'autres réseaux. On va vous demander de l'argent, ce ne sera pas moi. Mais c'est ce que mes gens qui me conseillent m'ont dit. Donc, à travers cet enseignement, si vous les trouvez qui sont très bons pour vous, eh bien, vous acceptez. Mais si vous trouvez que ce n'est pas bon, ça vous amène en enfer ou ça vous amène où? Ça, c'est votre choix. Mais je vous donne ce libre arbitre. Voilà comment un vrai religieux, si je ne suis pas religieux, hein, c'est un exemple. Voilà comment une vraie religion, normalement, vous devez vous donner cette liberté-là. Au lieu de vous faire comporter comme des dictateurs. Et vous devenez des ouailles obéissantes. Et dérouté. Et on vous ruine, on vous prend vos énergies. Vous comprenez? Moi, je connais des gens qui sont devenus pauvres avec cette affaire des offrandes. Oh, on demande les 10%, la dîme. Bon, ok, disons que c'est biblique, vous donnez 10%, tant mieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Oh non, il faut donner une offrande spéciale. Oh, mais l'offrande spéciale, en cause comme un pasteur, moi, je gagne mes petits 100 000 francs, je dois m'occuper de ma famille. Oh non, non, non. Il faudrait tout pour payer la maison du pasteur. Mais pourquoi toi, pasteur, tu ne travailles pas? Ce n'est pas moi qui invente. L'apôtre Paul, quand vous lisez le livre de Tite, le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit, moi, je ne veux pas dépendre des frères. Il a dit à Timothée, dis aux frères là-bas que moi, je ne veux pas dépendre d'eux. Moi-même, je suis fabricant de tentes. Et c'est le travail que l'apôtre Paul faisait. Il fabriquait les tentes, il fabriquait les bateaux. Il vivait de ça, il avait son argent. On vous a dit que parce que vous devenez pasteur, vous ne devez plus travailler. Je connais des amis qui m'ont demandé, sollicité plusieurs fois, à être dans leurs églises, les assister comme pasteurs, camerounais, congolais. qui arrivent ici un bon matin parce qu'ils deviennent paresseux, parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils profitent du système américain, parce qu'ici aux États-Unis, quand vous devenez pasteur, vous ne payez plus les taxes. Alors ils trouvent que travailler dans les magasins, machin, machin. Mais qui vous a dit d'aller travailler dans les magasins? Moi, est-ce que j'ai travaillé dans les magasins, certes, mais je suis allé à l'école. C'est un pays d'opportunité, on vous demande d'aller à l'université, vous avez votre bac, vous oubliez un peu votre master, vous partez là avec le bac, vous apprenez mille et un métiers. Et c'est comme ça que je suis devenu ce que je suis, psychothérapeute. Je ne regrette pas ce que je gagne, je suis heureux, je n'envie pas le salaire d'un ministre. C'est ça la vie, il faut se battre. Oh non, la foi en Dieu, oh Dieu l'imam, alléluia, il va m'aider. C'est ce qu'on vous a dit. Voilà des choses que je vous dis, c'est la vérité. Donc, ce libre arbitre vous permet de vous développer vous-même. Le développement de soi est très important. Et n'oubliez pas, dans le livre de l'Apocalypse, on nous dit bien que la fin du monde, à la fin du monde, c'est quoi? La connaissance, il y aura abondance de la connaissance. Le prophète Jérémie l'a dit. Le prophète Esaïe l'a dit. Pierre, dans sa révélation qui n'existe plus, qu'on a mis comme livre apocryphe, l'a dit. Jean, quelque part, je crois, dans le livre de Jean, chapitre 1er ou chapitre 3, ou la conclusion de Jean, chapitre 21, il le dit, que la connaissance va abonder. Mais à un moment donné, les portes de la connaissance vont être fermées. Plus personne ne viendra vous parler de ces choses. Et les gens auront soif de la connaissance. Car nous sommes à l'ère du Verseau. Bon, l'ère du Verseau, ça c'est le langage de mystique, mais on appelle ça, nous sommes à l'ère christique. Bon, maintenant l'ère christique, là veut dire quoi? Les chrétiens pensent que c'est l'ère où Jésus va revenir. Continuez d'attendre le Jésus. Il faut d'abord que vous vous réveillez. Vous continuez d'attendre Jésus. Résoudre les problèmes en Afrique, du Congo, du Gabon, du Cameroun, où les gens sont en train d'entretuer, les dictatures continuent, la France qui continue à manipuler les gens. Et vous dites, oh, Jésus va venir. C'est Jésus qui viendra résoudre ce problème. Vous comprenez alors de quoi je parle? C'est ça la dictature religieuse. Cette dictature religieuse vous oblige à vous imposer au dogme de l'Église qui vous impose de ne plus être des bons citoyens pour votre pays. C'est une religion qui va vous dire, oh, il ne faut pas les voter. Parce que Dieu a dit, voilà, je m'adresse à mes frères, témoins de Jéhovah, là où j'ai été. Oh non, il ne faut pas les voter, c'est voter le diable. Ah bon? Mais toi-même, quand tu vas aller forniquer, quand tu forniques avec moi, c'est pour cette raison que j'ai abandonné, tu ne voyais pas que c'est le diable? Vous comprenez? Donc ça, c'est de la dictature religieuse. Cette dictature religieuse, je peux développer, il y en a plusieurs chapitres. C'est celle-là qui vous impose le dogme que c'est nous qui devons vous enseigner tout, c'est nous qui devons vous donner tout, c'est nous qui devons vous résoudre vos problèmes du mariage, c'est nous qui devons vous développer spirituellement. Même l'université, là, il ne faut pas partir, ce n'est pas bon. Votre humble serviteur, c'est ce que j'ai été victime. Après mon bac au lycée technique, moi, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Oh non, non, non, laisse, les études supérieures, ce n'est pas bon. Parce que la fin du monde arrive, oh, Jéhovah va bientôt venir pour détruire l'humanité. Et là, nous parlons de 1988. Ah, ah bon, oui. Ah, mais maintenant, on est où? Vous comprenez? Donc, ça, c'est de l'aliénation. Cette dictature religieuse amène l'homme à sa véritable désindividualisation. Et quand vous êtes désindividualisé, vous n'êtes plus maître de votre cosmos. Vous n'êtes plus maître plutôt de votre bateau. Quand vous êtes donc désindividualisé, alors vous êtes désorienté. Et quand vous êtes désorienté, votre âme est manipulable. Et quand votre âme est devenue manipulable, vous êtes exposé à toute attaque démoniaque ou à toute attaque spirituelle ou des énergies négatives. Vous devenez un tocard et vous n'évoluez plus dans votre vie. Vous comprenez? Le danger de cette affaire de dictature religieuse. Alors, mon ami pasteur qui me suit, mes amis, ils sont trois là en ce moment. Vous qui me suivez, vous êtes tous pasteurs. Retenez bien cela. Allez-y enseigner la vraie religion originale. Allez-y enseigner la vraie religion originale qu'avait laissé l'apôtre Paul. Parce que cette religion-là, selon Galates chapitre 5, verset 22 jusqu'à 24, que vous avez lu avec moi, il nous dit, il faut faire des hommes, des femmes meilleures, des hommes meilleurs. Il faut expliquer aux gens qu'est-ce que c'est l'adultère. Il faut expliquer aux gens que voler, ce n'est pas bon. Et pourquoi voler, ce n'est pas bon, qu'il faut leur amener dans l'alchimie interne. Et cette alchimie interne, c'est quoi? C'est l'apôtre Paul qui l'explique. Qu'il appelle ça la destruction du vieil homme. Mais la destruction du vieil homme veut dire quoi? Détruire le vieil homme, c'est un phénomène métaphysique. C'est un phénomène de ce qu'on appelle l'alchimie spirituelle. Mais cette alchimie spirituelle consiste à se renoncer. Mais cette renonciation, selon Saint-Augustin, grand prêtre catholique qui a amené le Saint-Augustisme, qui consistait à l'homme de se priver des choses de la vie de manière volontaire. Mais il faut le faire avec amour pour Dieu. Il ne faut pas le faire avec regret, parce que j'ai vu des prêtres, au lieu de se priver réellement, ils continuent à aller péder les enfants, ils font des adultères. Ça, ce n'est pas travailler selon Saint-Augustin, le fondateur du Saint-Augustisme au sein de l'Église catholique. Donc, quand vous devenez non plus spirituel, vous vous désindividualisez. Vous vous désintégrez de tous les éléments liés avec tous les quatre éléments qui vous empêchent d'évoluer. Si c'est l'élément eau, arrêtez-moi ça, c'est-à-dire le vin. Si c'est l'élément terre, arrêtez-moi ça, si c'est le sexe. Si c'est l'élément air, arrêtez-moi ça, les fausses philosophies qui vont vous embrouiller la tête. Si c'est l'élément feu, arrêtez-moi ça, la pratique des magies qui vont vous faire péter la tête n'importe comment sans votre propre évolution personnelle. Voilà comment on explique le véritable éveil d'un enfant de Dieu. Allez-vous me poser encore la question que est-ce que on a besoin de religion pour s'accrocher à Dieu? Vous avez déjà la réponse. La réponse est non. Mais quel est le rôle de la religion? Je vous ai expliqué le rôle de la religion avec votre Bible que vous lisez tous les jours là. L'homme africain n'arrive plus à avancer, il n'arrive plus à évoluer. Car avec cette affaire de religion là, c'est quoi cette affaire là? On ne peut plus évoluer. Oh. C'est ça. Pardonnez-moi. Alors, je vous laisse donc le soin de me poser des questions. Sur ce, je vais essayer de me détendre avec un peu de la musique. Et je vous laisse le temps de réfléchir sur ce sujet. Parce que la dictature religieuse a détruit des vies, des familles. La dictature religieuse a entraîné des divorces. La dictature religieuse a entraîné la folie au sein des familles. La dictature religieuse a amené la mort. La dictature religieuse a amené des ruines financières. La dictature religieuse a amené la dissension et l'éloignement de notre être-té, de notre esprit, avec notre esprit d'Nzambakana, le Dieu suprême originel. Cette dictature religieuse nous a séparés de notre religion négro-africaine et nous amenant dans des embrigadages de conscience. On vous embrigade de conscience, on vous emprisonne, vous n'avez plus cette liberté fondamentale de décider de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Et même la Bible que nous venons de lire, où on nous demande d'avoir ce libre arbitre de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. On vous fait amalgamer dans l'esprit des conneries et vous les acceptez. On vous fait croire des prophéties que vous n'êtes même pas conscient. Une prophétie, c'est une révélation qui sort de votre propre bouche. Et Dieu, Nzambakana, s'exprime à travers vous. Vous pouvez faire des prophéties sur votre propre vie. Apprenez à partir d'aujourd'hui à faire des prophéties dans votre propre vie. Arrêtez de me lire les prophéties des prophètes et des Bibles. Ils ont fait leurs prophéties, ça s'est accompli. Certaines s'accomplissent. Oh, vous allez lire les prophéties répétées bêtement. Oh, le Seigneur a dit, et machin, vous citez les prophètes de la Bible. Qui vous a dit de les citer? Le Seigneur doit parler à travers vous, Nzambakana. Il doit parler à travers vous des prophéties qu'il vous révèle en vous. Que de me faire du tintamarre à gauche et à droite. Je vous attends pour vos questions. Un dernier conseil. Voilà ce que Jésus dit. Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Retenez-moi ça. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment se faire voir, à prier dans les coins de la rue, à crier dans des temples pour être vus des hommes. Moi, je vous le dis que, en vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le silence et ton Père qui te voit dans le secret, il va te le rendre. C'est Jésus qui a dit. Alors, je vais prendre vos questions. Nanga. Voilà, je vais pouvoir donc répondre à vos préoccupations. Veuillez pardonner, vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle ici, je ne sais pas, Lucifer ou Illuminati. Veuillez pardonner cette personne exprimer ses pensées. C'est ainsi que va la démocratie spirituelle. Tatan Zambé le Tout-Puissant Akana, c'est un nom inspiré que les dieux m'ont donné, que mes ancêtres m'ont donné pour pouvoir mettre en place et organiser des séminaires, des enseignements. Et ici, aux États-Unis, j'en fais en anglais, pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai commencé ceci sous une autre détermination. Nous avons une chaîne online qui s'appelle The Caribbean Africa Network. Je travaille avec des amis haïtiens et martiniquais, et ça marche très bien. Je suis suivi à travers le monde. Des centaines de milliers de personnes me suivent par radio ou par, comme nous le faisons ici, online. Et c'est ainsi que j'ai donc j'ai des gens de divers horizons spirituels et mystiques. Les adorateurs du diable, les adorateurs de ceci ou de cela. Chacun vient exprimer. Hein? Mais n'oubliez pas que, en tant qu'initié, pour ceux qui sont tout nouveaux, veuillez voir, allez-y voir ma biographie pour mieux me connaître. Ce qui fait qu'il y a certaines questions ici-là que je ne trouverais pas utile de répondre parce que ça ne correspond pas du tout à ce que moi je crois. Okay? Je ne viens pas ici en tant que prophète. Je ne viens pas ici en tant que pasteur, bien que je fus pasteur, diplômé de l'école de théologie. Les références sont là. Veuillez regarder ma biographie. Non, pas du tout. OK? Donc, je suis psychologue de formation et le travail que je fais a un rapport avec la psychologie. J'aide les gens à retrouver leur équilibre normal dans leur vie. Psychothérapeute. Des gens qui sont déséquilibrés, incapables de résoudre les problèmes du quotidien. Ils accusent le vin, ils accusent les parents, ils accusent la religion. Ils sont manipulés par toutes ces entités que eux-mêmes ils créent. Maintenant, si je vous parle en tant que psychologue ici, là, que les religieux, là, ils vont fuir. Je suis sûr qu'ils vont fuir. Mais ici, je parle au premier degré, au deuxième degré d'initiation, pour aider nos frères africains qui, sincèrement, en ont marre de vivre sous le joug des religions étrangères. De vivre sous le joug de ces histoires-là. Moi, je vous dis, si moi j'utilise ça comme référence, ça ne veut pas dire que je crois totalement tout ce qui est écrit là-dedans. Je vous ai dit que même la science utilise la Bible. C'est un document qui a été fabriqué par les Romains. Ce n'est pas un document écrit par Jésus. Jésus n'a pas écrit une Bible et Jésus encore, pour ne pas offenser certains, n'a même pas existé. C'est une photocopie de l'histoire de Horus. Donc, quand vous amenez des doctrines telles que de Lucifer, du satanisme, j'ai vu quelqu'un dire que l'homme noir adore le diable. Ça, ce sont des infantilisations qui ont été ventilées par l'homme blanc. En 1970, jusqu'en 72, les livres que nous avions, qui nous enseignaient le catéchisme, qui nous enseignaient la valeur sur Dieu, je répète, 1970, parce que moi j'ai commencé l'école en 1969, et c'est ainsi en 1970, on nous amenait des livres où on nous dessinait Dieu qui est blanc avec une barbe, on dessinait le diable noir. Donc les blancs nous ont fait croire que le diable est noir. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on voit des gens, des Africains, dont il y a eu un lavage de cerveau qui continue à croire à cela que l'homme noir adore le diable. Parce que l'homme blanc, justement, leur a fait croire que si tu n'adores pas la religion du blanc, parce que moi je vous dis, j'ai été au Congo. Je vous dis bien, j'ai été au Congo. J'ai travaillé pendant plus de 5 ans. J'étais inspecteur de pétrole. Et je sais de quoi je parle. Et même dans mon pays d'origine, au Gabon, j'ai vu. Ici, aux États-Unis, j'étais dans certains coins où les gens continuent à faire croire aux autres que l'homme noir est une race attardée, que l'homme noir, normalement, il est superstitieux, et que la seule religion qui doit le délivrer, c'est la religion du christianisme. Mais ça, c'est une insulte. Depuis quand le christianisme a réveillé l'homme noir? Allez-y, mais prouvez le contraire. Si ce n'est que des conneries. Aujourd'hui, aux États-Unis, en France, dans n'importe quel pays d'Europe. Allez-y me montrer ce que le christianisme a fait. Si ce n'est que créer des attardés mentaux que l'homme noir est. La majorité des églises que nous voyons, ce sont des noirs qui sont pasteurs. Eux-mêmes les blancs, ils ne sont même plus de nombreux pasteurs. Parce que le blanc compris. Je vous l'ai dit, allez-y me suivre des vidéos où je vous parle de la réunion qu'il y a eu à Genève. Je vous l'ai dit à Berlin. En 1983, tous les pasteurs et les prêtres ont été formés. Comment venir nous embrouiller pour venir nous inculquer cette affaire dont je vous ai parlé qu'en 1970, de 1970 jusqu'en 72, quand je fréquentais l'église catholique, baptisé, communié et confirmé. Mais on nous enseignait que le diable est noir et que Jésus serait un blanc, alors que c'est faux. C'est un mensonge qui date de depuis l'an 5, de l'an 325. Pour tous les nouveaux là, veuillez me suivre les machins. J'ai près de 100 vidéos là sur cette chaîne là, mon Dieu. J'explique tout ça. L'origine des religions. Qui est Dieu? Mais vous voyez, quand vous voyez le titre qui est Dieu, vous pensez que moi je vous parlais philosophie sur Dieu. Non, je vous donne l'histoire même. Comment les blancs sont venus nous tromper. La Bible que nous voyons ici, c'est un document qui a été fabriqué par les Romains en vue de vous empoisonner. Je n'ai pas dit qu'elle est mauvaise en tant que telle. Il y a certaines philosophies là-dedans qui sont pas mal. Mais vous voulez que je vous dise la vérité? Mais je ne veux pas offenser, il ne faut pas que je risque de perdre tous les chrétiens, ils ne vont plus venir ici. Encore moins mes frères musulmans. Donc quand je vous parle, ce que je parle, c'est des faits historiques. J'ai étudié cela, j'ai fait théologie, j'ai fait théosophie, j'ai fait de l'histoire. Et je voyage dans l'espace et le temps tous les jours. Je me rencontre avec des grands maîtres. Je connais le kimbanguisme, je connais la plupart de ces grandes religions-là. Comment ils ont vu le jour, s'il vous plaît? Donc, laissez Lucifer... Et puis la personne est fière hein, de se faire appeler Lucifer. Bon, laissez cette Lucifer ou machin exprimer sa liberté. Maintenant, je vais répondre à vos questions. L'homme est-il le microcosme de Dieu? La réponse est oui. L'homme est microcosme et Dieu est macrocosme. Qu'est-ce que c'est microcosme et macrocosme? Ça rejoint sur ce que Genèse a dit. Genèse dit quoi? Que les dieux créèrent l'homme à leur image. À l'image de Dieu, l'homme fut créé. Donc, Dieu étant le macrocosme, l'intelligence suprême, hein, la divinité supérieure, qui est au-dessus de tout, ainsi de suite. L'essence de tout, l'origine de la matière. Alors, tout cela forme le macrocosme. Et le microcosme, c'est l'homme que nous sommes. Oui, la réponse est oui. L'homme, c'est le microcosme et Dieu est le macrocosme. Est-ce que la dictature religieuse, c'est la même que la dictature que nous vivons dans les systèmes politiques? La réponse est oui. Je vous ai dit, si vous avez suivi depuis le début, sauf ceux qui sont venus en retard, j'ai expliqué ce que c'est la dictature. De sur quoi? Qu'est-ce que c'est une dictature religieuse? Donc, ça n'a aucune différence dans la définition du mot dictature par rapport au système politique. Les dictatures sont contrôlées par les blancs, une fois de plus. Ça n'a rien à voir avec l'homme africain. Ça, il faut le comprendre. Je constate que la plupart des gens qui sont ici ne sont même pas nés dans les années 60 comme nous autres. Mais discutez bien avec les gens qui sont nés dans les années 40 ou les années 50, ils vont bien vous expliquer ces choses. Vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui est dans les années 60. Et j'en suis de ceux-là et je suis fier. Je porte un bagage de connaissances inépuisable. Et l'avantage que j'ai, non seulement dans l'histoire, j'ai des encyclopédies, j'ai 1001 encyclopédies où j'ai dépensé près de 7 millions de francs CFA. Vous comprenez? Donc, une encyclopédie est un livre qui détient des connaissances qui ont été testées, vérifiées et immuables, vérité universelle. La religion fait-elle partie des armes pour détruire l'Afrique? Mais bien sûr! Il y a un grand philosophe grec, non, qui a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Vous comprenez? C'est l'opium du peuple. La religion est l'arme fatale que l'homme blanc a trouvée pour détruire l'homme noir. Ça a commencé de la réunion qu'ils ont eue à Berlin en 1883. Il y a même une audio qui circule. Hein, pour mieux préparer leur rencontre de juin 1885. Vous comprenez? Donc, effectivement, la religion est l'arme favorable pour mieux nous abrutir, pour nous retarder. Je suis très déçu qu'il y a même des frères qui sont des docteurs, des sœurs qui sont bien éduqués, ils vont vous dire non, que la volonté de Dieu soit faite. Mais qu'est-ce qu'on leur enseigne dans cette Bible? Il faut pardonner à ton ennemi. Il faut continuer à le pardonner mille et une fois. J'ai même vu des mariages se détériorer. Parce que non, la Bible interdit le divorce. Il faut toujours supporter. Ah bon? Tu vas te détériorer au point de te retrouver là où je suis, là où je travaille, là? À l'hôpital psychiatrique. Après, je viendrai te récupérer pour te donner des comprimés. Après, je vais te donner des conseils psychothérapeutiques. Oh, j'ai aimé tellement cette personne. Ah, vraiment, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Mais parce que justement, ces églises vous ont fait croire qu'il faut continuer à pardonner. Or, la logique psychologique, la logique véridique, la vérité de vérité, c'est la suivante. Voilà pourquoi Jésus, dites-moi quelle femme il avait, même s'il aurait existé. Horus et tous les grands maîtres, ils ont quelle femme? Comment les vibrations cosmiques peuvent-elles interférer avec la parole de l'homme? Ben, j'ai expliqué ça dans l'autre vidéo, là, s'il vous plaît. Mais donc, vous, quand vous venez dans les nouvelles vidéos, vous ne prenez pas le temps. Hein? Veuillez suivre l'enseignement que j'ai donné là. Comment maîtriser le silence et ensuite l'autre enseignement là. J'ai donné ces enseignements. J'explique tout ça. Bon, il faut tout le répéter. Les vibrations cosmiques, comment elles s'interfèrent avec la parole de l'homme? Mais je vous ai dit que tout est vibration. Quand vos paroles sont énergie, quand vos paroles sont positives, si les paroles sont positives, si vos paroles sont énergie positive et créatrice, il y aura une interférence positive. C'est ainsi que votre esprit va résonner sur des fréquences plus élevées, des vibrations beaucoup plus élevées. Vous comprenez? Et même, je crois qu'il y a une vidéo que j'ai mise sur Tata Nzambe, le Tout-Puissant. Ceux qui sont abonnés sur ça, je ne parle pas de celle-ci de YouTube, celle qui est sur Facebook. Allez-y sur cette vidéo. Je parle que tout est vibration. J'explique cela très bien dedans, s'il vous plaît. Maintenant, 5. Comment unifier le monde? Est-ce possible? La réponse est oui. Mais vous savez, hein, quand le mal s'est enraciné, ce n'est pas facile de s'en débarrasser. C'est ce que je peux vous dire. Quand le mal s'est enraciné, c'est pas facile. Pour ceux qui sont chrétiens, là, moi je vois des gens qui ne font que citer des histoires de Jésus, des histoires de l'homme noir qui adore le diable. Bon, allez-y lire Jean chapitre 1. Ce livre de Jean chapitre 1, du verset 1 jusqu'à 12, c'est le livre que tous les chefs religieux du monde entier lisent. Parce que ça, c'est le livre qui demande Dieu d'intervenir pour apporter la paix et pour unir toute la race humaine. Les francs-maçons prononcent le même livre quand j'étais maçon. Les rosicruciens, quand j'étais là-dedans, c'est le même livre qu'ils lisent. Les musulmans, ils appellent ça l'évangile de Yacine. C'est le même livre qu'ils lisent. Donc, s'il vous plaît, si nous voulons tous réussir à unifier le monde, afin que le monde revienne, un monde vivable, loin des distractions religieuses, parce qu'au commencement, Dieu n'avait jamais créé une religion. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Ainsi, Dieu a permis à ce que l'homme devienne comme lui, c'est-à-dire reçoive toutes les qualités divines, l'amour, la paix, la justice, la puissance. Mais aujourd'hui, le point où la religion vous enseigne, même on te gifle la joue gauche, donne la joue droite. On vous demande d'être lâche. Voilà pourquoi l'Afrique ne décolle pas. Pour revenir sur... comment dirais-je, la question numéro 3, que la religion est une arme que les Blancs ont compris pour nous utiliser, nous abrutir, pendant qu'eux, ils évoluent chez eux. Vous allez me dire au nom de quel Dieu ou machin, quel Jésus, les gens l'ont pris pour construire des écoles, et au nom de quel Dieu, ils ont construit, comment dirais-je, des universités, on vous a dit que c'est en priant Jésus. La France, pour être libérée du joug de Hitler, ou bien d'avoir l'indépendance, la déclaration des droits de l'homme, machin universel, en 1789, ils ont eu besoin de Jésus. Les Américains, pour avoir leur indépendance, ils ont eu besoin de Jésus. Mais voilà comment l'homme noir s'abrutit. Ils se sont battus, ils se sont libérés. Et voilà nous maintenant qui venons profiter. On vient profiter de cela. On vient chez eux en Europe, on voit maintenant une belle vie. Oh, la vie sociale ici, c'est bien, on profite. Mais vous savez comment ils ont fait pour en arriver là? Ce n'était pas au nom de Jésus, hein? Les États-Unis d'Amérique, ce n'était pas au nom de Jésus, s'il vous plaît. Ils se sont battus. Donc, pour unifier le monde, hein, ça part d'ici, de votre conscience individuelle, partant de votre conscience collective, de ces histoires de religieux-là, il faut enlever votre âme dedans. Si l'enfer existe, tous ceux qui sont dans les régions iront en enfer. Ça, je peux vous le dire. Hein. Pourquoi les Noirs sont-ils dans l'élément eau? Je ne sais pas où est-ce que vous avez lu ça. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé lire que les Noirs, ils sortent de l'élément eau ou quoi, là, je ne sais pas. C'est la personne qui a posé cette question. Il faut me la reposer sur l'écran, mais je crois que l'auteur qui a écrit ça, et parfois il faut éviter de lire n'importe quoi. J'espère que ce n'est pas un noir. Bah, je doute fort que c'est un noir qui a écrit ce livre. Hier, dans l'autre vidéo, je vous ai bien dit qu'arrêtez-moi de lire les livres des blancs. Parce qu'ils vont vous abrutir, ils vont vous abrutir, vous amener des conneries qui n'ont rien à voir. Tous ces livres, toutes ces histoires-là, ils les écrivent sur la base de toujours diminuer la valeur intellect, la valeur spirituelle de l'homme. Voilà le but de l'homme blanc, c'est tout. Il a un complexe, je vous l'ai dit, que le premier homme qui a été créé sur Terre par Nzambakana, c'est un noir. Les blancs eux-mêmes, ils le savent. Tous, vous qui êtes ici là, vous tous là, 100%, vous savez ça, non? Hein? Beaucoup d'entre vous vivez en France, vous savez que c'est la vérité. Le premier homme noir. C'est des choses, les blancs ne pouvaient pas le dire, mais maintenant eux-mêmes, ils viennent le confesser. Ce n'est pas moi qui ai commencé à le dire, c'est eux-mêmes. Eux-mêmes, ils ont dit que le premier homme qui a été créé, c'est l'homme noir. Les premières dynasties qui ont été créées, c'est l'homme noir. C'est en Égypte. Donc, 7. Est-ce normal que les Blancs viennent nous initier avec nos rites africains? Mais même vous-même, vous voyez que c'est comment? Si vous-même, déjà, vous ne voulez pas vous intéresser à vos rites. Mais vous me posez la question. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Les connaissances que j'ai aujourd'hui, si beaucoup d'entre vous s'intéressent, si aujourd'hui, beaucoup d'entre vous s'intéresseraient, bon, je ne parlerai même pas à mes enfants parce qu'il n'y a qu'un seul qui s'y intéresse parmi les quatre. Comme me le disait un frère là, d'un autre pays, du Togo, il me dit, mais vraiment, Seigneur, mais vous êtes une bibliothèque vivante. Si les gens peuvent profiter de vous, s'ils peuvent profiter de vous, mais rien. Donc, maintenant, il y a des blancs qui viennent, ils viennent s'initier. Mais c'est normal, allez-y chez moi au Gabon. Moi, je connais, il y a un blanc là, Teta, comment il s'appelle là, il a son nom Bouti là. Il initie même des Gabonais. Et il y a même une Française aussi, une blanche qui vit là-bas au Gabon. Je connais aussi un Américain qui est ici, il fait des tours de va-et-vient, de va-et-vient, il part là-bas. Qui vont justement faire des initiations. Donc, à votre question, normalement, bon, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce normal qu'un blanc vienne nous initier, nos propres rites africains? Moi, je dis, il n'y a rien d'anormal. Moi-même qui vous parle, j'initie les gens dans la Macumba brésilienne. Est-ce que je suis brésilien? Même quand j'étais là-bas au Brésil, plusieurs fois, les Brésiliens me disent, mais toi, tu es fou, tu viens prendre ces choses compliquées là. Je dis, mais parce que ça m'intéresse. J'initie aux gens le yoga pranamique, le pranayama yoga. Et même les Indiens, il y a des Indiens qui sont ici professeurs. Quand je leur parle du pranayama, ils suivent mes séminaires, ils me disent, ah, oh, un Africain? Mais vraiment, mais vous nous étonnez. Je parle bien le sanskrit, leur hindou, l'ancien hindou, la langue indienne. Ils sont étonnés. Mais pourquoi? Parce que j'ai la volonté de le faire. J'initie les gens dans ces choses-là. Donc, oui. Pour moi, je trouve qu'il n'y a aucun mal, hein, qu'un blanc vienne initier les gens dans nos rites africains. Parce qu'il a la volonté de le faire, il a la curiosité. Il a compris, même c'est lui, c'est l'un des rares blancs qui comprend que non, la véritable origine de l'homme, c'est en Afrique. Voilà pourquoi il vient apprendre ces choses-là. Pour initier les blancs comme eux. Comment désactiver les doctrines des religions? Ben, moi, je vous ai toujours dit ça. Les doctrines des religions, il faut les désactiver par une prise de conscience individuelle. Il faut vous désindividualiser. Il faut vous. Parce que je vous l'ai toujours dit, que les doctrines de ces religions ont pour but pour vous dépersonnaliser totalement. Vous changer, faire de vous un autre être. Vous ne devenez plus vous. Vous êtes désormais. Vous vivez sur une dictation. Vous vivez sur une dictature. Ce sont eux qui vous dictent ce que vous devez faire. Ce sont eux qui doivent choisir la femme que vous voulez. Ce sont eux qui doivent choisir le mari que vous voulez. Oh, bah, pasteur, moi je veux une femme, oh, je veux un mari. Oh. Après, vous allez trouver le gars qui est habillé en agneau, alors que c'est un loup. Simplement parce qu'il dit Alléluia tous les jours. Et puis voilà, j'ai trouvé l'homme de ma vie, oh, vraiment le pasteur, le frère là, vraiment, il est trop gentil, il a un bon boulot, il est gentil, ceci, cela. Et à la fin, quand vous allez vous marier, vous découvrirez que c'est un véritable criminel. Il va vous péder, il va vous faire des techniques bizarres, il va vous imposer une dictature sexuelle bizarre. Après, vous allez regretter. Donc, moi, je dis que pour désactiver ces doctrines-là, c'est une prise de conscience. C'est ce que vous faites là, vous venez tous ici. Bon, bien qu'il y a certains qui sont venus ici pour. On s'arrangera à désactiver certaines personnes-là parce qu'ils viennent faire la distraction, parler des conneries. Mais en réalité, beaucoup d'entre vous, je tiens à apprécier votre présence ici. 95% d'entre vous venez pour recevoir la vraie connaissance. Certains d'entre vous aviez déjà ces connaissances, mais ces connaissances étaient endormies en vous, enfouies en vous. Je ne viens que pour vous activer votre torche. C'est ça. Je viens que activer le feu. Je viens seulement mettre la torche indigène, là. Je viens l'activer. Et maintenant, avec le temps, moi, je ne vous ai pas demandé d'abandonner vos religions. C'est avec le temps que vous comprendrez, vous allez comparer le pour et le contre. Maintenant, l'autre question. Bon, ce n'est pas une question. C'est quelqu'un qui fait des déclarations gratuites que les Noirs adorent le diable. Mais mon Dieu, qui vous a dit de connaître comme ça? Qui vous a d'abord dit que le diable existe? Voilà pourquoi je vous dis, il faut suivre toutes mes vidéos là. J'explique qui est le diable. Suivez-moi cette vidéo intitulée « Qui est le diable ?» Ézéchiel chapitre 18. Oh Lord, Jesus, vraiment, c'est dur. Bon, c'est pas grave, je suis là pour ça. Ézéchiel chapitre 18, écoutez bien, ceux qui me parlent du diable, là, l'homme adore le diable. Le diable n'existe pas. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Ézéchiel chapitre 18, écoutez très bien. Ah, oh, Seigneur. C'est où même nous sommes? C'est chapitre 19 ou chapitre 18? Pardonnez-moi, c'est Ézéchiel chapitre 28. Nous y sommes. Bien. Suivez très bien. Ézéchiel chapitre 28. Vous qui continuez à croire au diable. Vous qui dites que le diable, c'est si l'homme noir adore le diable. Ézéchiel chapitre 18. Voici ce qu'il crie. Chapitre 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais couvert de sardoines, de topazes et de diamants. Tu étais couvert de chrysolites, d'onyx, de jaspe. Tu étais couvert de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tu étais couvert du coltan. Le coltan, pour votre information, qui est cultivé au Congo. Tes tambourins et flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. L'Éternel t'avait placé sur la montagne de l'Éternel. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, des pierres précieuses. Tu étais intègre dans tes pierres et dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que finalement l'iniquité fût trouvée en toi. On nous parle de qui? On nous parle de l'ange, archange. Allez-y lire Genèse chapitre 1. On nous dit que quand Adam et Ève, machin, la fameuse histoire sur Adam et Ève, ils ont péché. On a mis quoi? On a mis trois archanges à l'entrée de machin pour empêcher que machin. Et on nous dit quoi? Le fameux archange, qu'on dit qu'il a parlé, il ne s'était pas transformé. Hein? Il y avait un archange qui a parlé à travers un serpent. Mais comment vous allez dire que c'est le diable? Qui vous a dit? Moi, je nie que le diable n'existe pas par rapport à la description que vous portez du diable. Ce n'est pas un être corné, méchant, vilain, comme vous le dites. On nous dit ici que tu étais plein sagesse. Voilà, l'Éternel dit. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté. C'était l'archange le plus beau. Il était où? En Éden. C'est lui qui gardait le premier couple. J'en parle de cela dans l'une de mes vidéos. C'est lui qui garde donc toutes les pierres précieuses. C'est lui qui garde l'or. C'est lui qui garde les diamants. C'est lui qui garde tout ce que nous voyons. Mais vous vous entêtez à l'appeler toujours le diable. Le diable, c'est des conneries que les religions ont inventées. C'est un archange, c'est un esprit invisible. Et dans la compréhension même métaphysique, le diable, c'est vous. Avec votre orgueil, avec votre... Pardon, je ne m'adresse pas à vous, mais c'est nous d'une manière générale. Quand on est orgueilleux, on ne veut pas écouter quand les gens parlent. On pense qu'on est plus intellectuel ou plus intelligent que qui que ce soit. On pose des actes que l'on veut. On s'entête à croire des conneries qui nous ont été imposées par des dogmes étranges. Mais c'est nous, on devient le diable. Parce que le diable et Dieu est en vous. Je vous ai dit, Dieu nous a donné le libre arbitre de décider ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Donc laissez un peu le diable dans son coin, mon Dieu. Mais je ne vous en veux pas. C'est ce que le blanc est venu nous inculquer, que nous, on adore le diable. Qui vous a dit que l'homme noir adore le diable? Si on adorait le diable, pourquoi ils sont venus prendre nos masques, les amener là-bas en France? Si on adorait le diable, pourquoi ils nous ont pris tous nos médaillons? Si on adorait le diable, pourquoi aujourd'hui la croix qu'on voit dans les églises, alors que ça a commencé, la croix Ankh, qui a commencé en Égypte, par nos ancêtres? Hein? La même croix qu'eux, ils portent. Maintenant, eux, quand ils nous voient avec nos croix chez nous en Afrique, ils disent c'est diabolique. Mais qui est plus diable que qui? Cette question, s'il vous plaît, il y a trop à dire. Allez-y me visionner la vidéo. Vous viendrez me poser des questions. Je développe très bien. J'explique ce que c'est. Celui qu'on appelle le diable. Est-ce qu'il existe? Qui est-il? Les gens vivent trop dans la superstition. Et là, je vous parle en tant que psychologue. En psychologie, on nous dit que tout est régi par la loi de correspondance. Tout est régi par la loi de correspondance. À tout état de conscience égal à tout état de vie. Dans ta tête, tu te bourres d'illusions ou bien tu crées des histoires et tu crois ça. Et c'est ce qui va t'arriver. Voilà pourquoi chez nous en Afrique, on est trop malheureux. Les malheurs nous tombent dessus. Dieu merci que je suis pour moi aux États-Unis, que je réussisse ma vie ici. Si je serais au Gabon, on allait dire quoi? Moindre incident, oh ce monsieur, on oublie, il est sorcier. Parce que je viens parler des vérités comme ça. Quelle sorcellerie! Parce qu'on est superstitieux. Les Noirs adorent le diable. Mais mon Dieu, ça c'est un scandale. Ça c'est une déclaration gratuite, vide de sens. Aucun noir n'adore le diable. Le véritable diable, c'est le blanc. Dans la définition donnée, c'est-à-dire l'être méchant, celui qui veut du mal à l'autre, celui qui envie l'autre, celui qui est content de voir l'autre souffrir, voir mon frère noir traverser la Méditerranée, aller en France, se faire tuer dans le vallée par les gros crapauds, comment dirais-je, les grosses baleines. Nous imposer l'argent qu'on appelle au CFA et on découvre finalement qu'eux, ils prennent plus de 50% sur cet argent-là. Ils viennent voler nos richesses, ils viennent voler le coltan, utiliser les enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans au Congo là-bas, au Congo Kinshasa, dans la zone de Boma. J'avais les larmes aux yeux. Violer nos femmes, les prêtres venaient les violer, préparer à manger, donner des poulets, la nourriture à des prêtres, comme soi-disant ils sont pauvres. On les a dit qu'ils doivent rester dans le vœu du pauvre, la pauvreté. Alors que c'est faux, les millions sont virés dans leur compte bancaire pour s'occuper de leurs parents. Mais mon Dieu, ne m'amenez pas dans cet état passionnel, s'il vous plaît. Le véritable adorateur du diable, c'est le blanc. Ça n'a rien à voir avec le noir. C'est la personne qui vient me dire ici, là, des déclarations que le noir adore le diable. Qui vous a dit que quel noir qui adore le diable? Qui a créé d'abord le diable? C'est pas le blanc? Le diable a été créé par le blanc. Très intelligent et malin, maintenant lui se tourne dans sa philosophie, il avance, il se développe lui-même, il profite de vous. Et vous êtes là embrigadé dans les histoires de Alléluia, Jésus-Christ, oh, les diables, les chiffres, et ceci, cela, en train de vous distraire les fesses, au lieu d'évoluer et comprendre qu'il faut qu'on se réveille. Et qu'il est l'heure de passer à l'action. On reste là dans l'inaction totale. Voilà la véritable chose. Le diable n'a jamais adoré l'homme noir n'a jamais adoré le diable. Existe-t-il des châtiments aux dictateurs religieux? Mais bien sûr, c'est la loi du karma, j'ai appelé ça. Moi, je vous ai dit, je ne crois pas à un enfer qui va brûler quelqu'un. Ça n'existe pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Vous pouvez vérifier dans le livre de l'Apocalypse, du chapitre 17 jusqu'au chapitre 19. On nous dit que lors du règne millénaire, lorsque l'État christique va s'instaurer sur toute la terre, c'est-à-dire que lorsque tous les humains auront la lumière, maintenant les chrétiens disent que quand Jésus va revenir, bon, en ce moment, il va détruire tous les méchants et tout, selon le psaume 37, verset 29, que les méchants vont disparaître, puis les justes vont vivre sur terre, et puis 1000 ans, le règne millénaire, c'est ça. On leur accordera un taux de 1000 ans. Et pendant les 1000 ans, les gens vont être éduqués, des nouveaux livres de connaissances vont être ouverts, les gens vont avoir accès aux connaissances. Votre humble serviteur sûrement fera partie de ces gens-là. On va enseigner les gens les nouveaux principes, comment se comporter sur cette terre, éviter d'adorer les conneries des diables, de ceci et cela. Et ce fameux esprit que vous appelez le diable, selon les écrits chrétiens, on nous dit qu'il va être enfermé pendant 1000 ans. Et c'est après ces 1000 ans-là qu'on va le relâcher. Maintenant, Jean, Révélation chapitre 19, je crois le verset 15, nous dit que après ça, le diable va être détaché pour une dernière épreuve. On appelle ça la deuxième tentation. Bon, maintenant, on nous dit que ceux qui vont tomber sous ce piège-là, après les 1000 ans de test, vous allez vivre pendant 1000 ans. Mais mon frère de Vénus 4, la planète 4 là-bas, vous allez me prendre fou, ils vivent pendant 1000 ans. Tous les 1000 ans, ils s'injectent des trucs. Nos frères qui vivent dans la zone on appelle cette zone-là comment? La zone galactique, là où il fait très froid, là. Hein? Les UFO que vous voyez, les avions qui s'en vont n'importe comment, des êtres bizarres. Mais ils vivent aussi 1000 ans, ils ont la technologie, la technique. Je vous avais expliqué que c'est la famille de reptiles, de reptiliens, qui sont descendants de ces êtres-là qui n'ont pas pu retourner au ciel lorsqu'il y a eu la destruction par le déluge et tout ça. Bref, il y a plein d'enseignements là. Vous comprenez? Donc, il y a des châtiments qui sont réservés à ces mecs-là, ce sont les blancs. Ce sont les blancs eux-mêmes. Enfin, existe des châtiments éducateurs religieux? Oui, bien sûr. Selon la loi du karma, ils vont être détruits par leur propre machin. Mais ce n'est pas un enfer qui va aller les brûler. Non. La Bible nous dit que ceux qui vont tomber cette fois-ci à la dernière tentation après les 1000 ans, ce sont ceux-là qui vont connaître la seconde mort. Donc, ils vont être détruits dans le lac de feu. Le lac de feu, là, c'est quoi? Mais c'est un feu. Les religieux, ça a commencé par les catholiques. Maintenant, les gens qui traitent les catholiques des menteurs, là, même dans les églises, ils disent, voyons, c'est les mêmes enseignements. On dit, oh, c'est l'enfer, l'enfer. L'enfer n'existe pas. Les catholiques ont créé ça, c'est pour créer la frayeur aux enfants, pour éviter qu'ils fassent le mal, pour éviter de voler. C'est ce qui se passe. Ça n'existe point. Mais le lac de feu dont la Bible parle ici, c'est la destruction éternelle. C'est-à-dire qu'après les 1000 ans, et que le diable va être libéré, l'esprit que vous appelez le diable là, quand il va être libéré, ainsi ceux qui vont tomber sous la tentation, il va être libéré pour pouvoir aller tenter encore les gens. Maintenant, les gens qui vont tomber sous cette tentation là, après les 1000 ans, ceux-là vont être détruits éternellement. C'est là où on parle d'un lac de feu. Ils seront jetés dans le lac de feu. Mais c'est après les 1000 ans. Mais ce n'est pas vous, quand vous mourrez là, que vous irez en enfer. Sinon, Jésus va mentir, parce que Jésus dit dans le livre des Jean, chapitre 5. Mais mon Dieu, vous voulez que je vous amène à la Bible? Dans le livre des Jean, chapitre 5, le verset combien? La 25. Il dit bien ça. En vérité, je vous le dis. L'heure vient où elle est même déjà venue, où les morts vont entendre ma voix. Ceux qui vont entendre ma voix, c'est qui? Même ceux qui ont fait le bien, tous ceux qui ont fait le mal. Le verset 28 ajoute, ne vous étonnez pas, parce que l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux là vont entendre ma voix. Le verset 29 ajoute que même ceux qui ont fait le bien vont venir. Ceux qui ont fait aussi le mal vont venir. Mais mon Dieu, mais cette affaire-là sort d'où? Ça, c'est Jésus qui parle. Est-ce qu'il a dit maintenant là, que les gens, ils meurent, ils vont directement en enfer? Non, vous êtes dans le monde de repos, votre âme s'attend, attend là-bas. Bon, puis j'ai expliqué ça dans mon enseignement sur la mort là-bas. Allez-y, mais sur cette vidéo. Bon, on continue. Illuminati. Je vois les gens qui me parlent d'Illuminati ici. Je vous ai déjà expliqué ce que ça veut dire. Le mot Illuminati vient d'Illuminare. Ça vient du grec luminare. Et en français, c'est un illuminé. Qu'est-ce que c'est un être illuminé? C'est quelqu'un qui vit dans l'illumination. Jésus, ceux qui ont écrit les livres sur Jésus, on montre Jésus, on parle de la transfiguration. La transfiguration était un phénomène d'illumination. OK? Quand vous avez connu, l'apôtre Paul explique ça, ah, mon Dieu, l'apôtre Paul explique son alchimie là-dedans, qu'une fois vous avez réussi à détruire le vieil homme, une fois le vieil homme est mort, alors le nouvel homme qui est créé selon l'image de Dieu, selon le Saint-Esprit, va maintenant apparaître. Donc, votre être divin va, sous couvert de la formation que vous avez dans les différents corps, comme je vous ai expliqué, le corps mental, comment discipliner ça, le corps spirituel, le corps éthérique, le corps énergétique, l'éveil des beaux êtres, centres énergétiques qu'on appelle les chakras, et tout ça là, la discipline, éviter de parler n'importe comment, fermer un peu votre bouche, éviter de vous empoisonner avec des conneries, des religions à gauche, à droite, le diable, bah ceci, cela. Une fois vous avez retrouvé votre origine, parce que quand Dieu vous a créé à l'origine, il ne vous a pas donné ces histoires-là, oh le diable, oh Jésus, oh ben ceci, oh. Non, il n'a pas donné tout ça. Ce sont des empoisonnements mentaux, des manteaux, autant pour moi. Donc, une fois que vous avez réussi tout ceci, vous devenez un illuminé. Voilà comment dirais-je, la signification de cette terminologie. Illuminati vient de illuminer, donc quelqu'un qui a la lumière. Beaucoup me parlent d'Illuminati. Allez-y, vous pouvez me consulter. Cherchez dans le Google. On vous dira que c'est un Allemand. Bon, moi, je n'ai pas trop confiance à Illuminati. Je n'ai pas trop confiance à l'histoire de Google. Je suis un ancien maçon. Je me suis renseigné auprès des maçons. On a des archives. C'est un Allemand. Un Allemand qui a créé cette branche de Illuminati dans la maçonnerie. Mais à l'origine, la maçonnerie n'a jamais eu des histoires d'Illuminati. Vous verrez qu'ils sont même divisés. Mais c'est comme au sein des églises. Dans les églises, là, il y a certains qui adorent le diable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils portent des robes noires, ils font des cérémonies bizarres. Il y a des pasteurs qui sont des maçons. Vous voulez me dire quoi? Donc, c'est comme ça. Cette affaire d'Illuminati, donc chez les maçons, vous avez des gens qui croient à cela. C'est une branche. Lorsque vous avez atteint le grade, on ne vous propose ça. On ne vous propose pas ça au premier degré. Non, non, non, non, non. Jamais. Mais vous allez avoir peur, vous allez abandonner. Ni au deuxième degré. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui vient me poser la question. Toi, tu étais maçon. Mais donc, tu es nouveau. Oui, j'ai été maçon depuis 1974 jusqu'en 1999. J'étais maître. Allez-y, suivre mes enseignements sur ma biographie, là, les nouveaux. Quelqu'un me pose la question si j'étais maçon. Donc, quand je parle, je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Bon, vous êtes au 33e degré. OK, c'est bon pour vous. C'est le degré des maîtres. Maintenant, quand vous êtes au degré de néophyte, apprenti néophyte, et quand vous arrivez maintenant au degré de maître, à partir du 29e jusqu'au 33e, vous avez le libre choix. Parce que ce sont des étapes ou des degrés où, normalement, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur, vous maîtrisez la vie et la mort. Bon, moi, je n'ai pas eu besoin de ça pour connaître ces vérités. Je n'ai pas eu besoin de ça. Depuis 1978, je connaissais déjà ça. J'avais déjà maîtrisé ces deux côtés-là. C'est-à-dire, on explique, il y a une raison valable pour tuer, pourquoi il faut sacrifier, pourquoi ceci, cela. Donc, les maçons, quand ils atteignent ce 29e jusqu'au 33e degré, au degré de maître, certains ont le choix de devenir Illuminati. Quand on est maçon, aucun maçon vous a dit qu'il va tuer quelqu'un. C'est faux. Alors, je vois la plupart des gens ici sont influencés par les cultes des histoires de maçonnerie africaine. Bon, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Je vous dis, j'étais maçon de 78 jusqu'en 1999. Mes enfants vivent, ma famille vit, tous mes parents vivent. Sauf mon père et ma mère, ils sont partis. C'est tout à fait normal, ils étaient malades. Aucune maçonnerie ont fait des sacrifices. Ben là, ça montre qu'il y a des gens qui sont nouveaux ici, là. Il y a une vidéo où j'explique très bien l'origine des maçonneries et les différentes branches. Allez-y me dire combien de gens Macron a tué. C'est un maçon, c'est tout le monde le sait. C'est un maçon, il a tué qui? Hein? Obama, mon ancien président américain, là, je suis allé, lorsqu'on est allé monter le grade du 300, parce qu'il était 29e degré lors de sa campagne. Mais quand il est devenu président, on l'a élevé au grade de grand maître, de 33e degré. Allez-y me dire qui l'a tué, mon Dieu. La maçonnerie, on n'a jamais sacrifié. Bon, bref, je ne vais pas revenir dessus. Parce que ça va créer l'amalgame. On ne va pas s'écarter de ce sujet. J'ai des vidéos sur ça, là où je parle de maçonnerie. Que la vraie maçonnerie originelle, ma par Cagliostro, on n'a jamais demandé de sacrifice, ni pédé. Il y a des symboles qu'on utilise. Quelqu'un qui m'a posé la question, toi tu es maçon, il dit qu'il est 33e degré. Il devait connaître ces choses-là. Explique, toi qui es 33e degré, comme tu prétends là. Il faut expliquer aux gens là-bas. Bref. Donc, Illuminati, cette branche a été créée par cet Allemand, qui est une branche qui consiste à pouvoir gouverner toute la planète Terre et d'en faire un contrôle absolu de toute la planète Terre. Voilà comment l'idéologie maçonnique, qui consiste à former un gouvernement universel, en imposant tous les présidents des pays du monde entier de rentrer dans les loges, en imposant tous les membres du gouvernement de rentrer dans les loges. Pourquoi? Parce qu'ils ont un agenda derrière cela. Et cet agenda, c'est de former un gouvernement universel, de contrôler le monde entier. Et qui contrôle le monde entier? Quelqu'un l'a dit là quelque part. Vous n'avez pas besoin de le dire, tout le monde le sait. Moi, je le sais depuis 1978. Ce sont les maçons qui contrôlent le monde. Par la finance. Les plus grands financiers du monde, ce sont des maçons. Macron, que vous voyez, il est manipulé par ces grands financiers-là qui sont des maçons. Vous ne pouvez rien faire contre ces mecs-là. Sauf si vous rentrez dans la véritable voie. Bon, je ne veux pas déballer ça ici. Donc, je sais de quoi je parle. J'étais là-dedans. La fraternité et tous ces principes immuables de la dignité de l'homme et tout, et tout, et tout, et tout. Regardez même hein, la devise française. Cette devise française, elle est maçonnique. Merci beaucoup, Illuminati. Nouvel ordre mondial. Mais c'est ça. Non, laissez Illuminati tranquille, il dit parfois ces choses. Donc, le nouvel ordre mondial, là, c'est basé sur l'affaire des Illuminati. Mais normalement, ce n'est pas tout, ce ne sont pas tous les maçons qui sont dans Illuminati. Voilà pourquoi les gens comme nous autres, on s'en est écarté quand on a découvert les vérités. Il n'y a que les présidents africains qui tuent. Oh, mais oui, mais c'est vrai. La plupart des présidents africains, quand ils rentrent là-dedans, ben, allez-y savoir. Moi, je parle de mon propre pays, le Gabon. Allez-y voir la mascarade qui se passe avec leurs conneries. Bon, écoute, là n'est pas mon enseignement. L'antichrist, quelqu'un a mentionné le mot antichrist. J'ai horreur quand les gens viennent mentionner l'antichrist ici, que les noirs sont dedans, que l'antichrist c'est le noir, ceci, cela. Arrêtez de vous faire empoisonner votre corps spirituel ou empoisonner votre subconscient individuel par des conneries de ce genre. Antichrist, beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce que c'est. Certains sont allés jusqu'à accuser même les musulmans que l'antichrist maintenant c'est l'islam. D'autres sont allés dire non, l'antichrist là, c'est le système gouvernemental. Oh, l'antichrist viendra des États-Unis. Oh, donc ils ne comprennent rien. Je ne veux pas choquer les gens ici, parce que je sais ce que c'est l'antichrist. La politique. Quelqu'un m'a posé donc la question. Alors, la politique donc est un bébé de la religion? Mais bien sûr. La politique est un bébé de la religion, bien sûr. Auquel cas, le petit frère de Jésus, Jacques, n'aurait pas tort d'écrire dans son chapitre 5 que toute amitié illicite avec les systèmes politiques est de l'inimitié, c'est de l'inimitié contre Dieu, par conséquent, c'est de l'adultère spirituel. Jacques, il sait de quoi il parle. Jacques a vécu au premier siècle. Au premier siècle, nous savons ce que les Romains ont fait dans le temps. En l'an 255 jusqu'à l'an 428, ils ont dominé cette zone de Jérusalem et toute cette zone-là de l'Amérique, de l'Afrique du Nord et tout cela, ce qu'on appelle aujourd'hui le Royaume-Uni, on appelle ça le Royaume pays arabe et tout cela. Comprenez? Donc, la politique, c'est bel et bien le bébé, ça marche ensemble. Mais maintenant, quand vous êtes un initié, voilà pourquoi moi je vous dis que parfois, les gens m'ont connu ça à travers mon combat politique. Mais je ne prends pas du recul, mais je me méfie de dire certaines choses là-dedans. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous êtes un homme, pas un homme de Dieu, quand vous êtes un homme spirituel, ou appelez-le entre guillemets homme de Dieu, vous n'avez pas le droit de fourrer votre nez dans l'histoire politique. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que même si celui que j'ai soutenu, que j'ai donné ma voix, on le met là président, que d'ici 2 mois la pingue soit installée, il le sait. Ceux qui sont autour de lui le savent que moi je n'accepterai pas une position politique. En tant qu'initié, c'est un conflit. Quand vous êtes un initié, vous n'avez pas le droit de faire la politique. C'est clair. Je ne vais pas développer dessus. Parce que la politique, il n'y a pas de vérité. Vous pouvez être conseiller peut-être, ça existe, hein, ce n'est pas une position politique. Quand vous êtes conseiller, vous êtes libre d'exprimer ce que vous voulez, vous avez le libre arbitre de dire ce que vous voulez. Mais être nommé ministre, être nommé directeur de cabinet, être ceci, cela, non. Un véritable initié ne rentre pas dans cette mascarade-là. Donc c'est vrai que la politique, c'est le bébé de la religion. Parce que tous, ils soutiennent les dictatures. Les gouvernements politiques français, européens, ils soutiennent les dictateurs. Vous voyez ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas moi qui vous l'apprends. Comment prier pour nos ancêtres? Bon, écoutez, je répète encore, là, il y a des nouveaux. Il y a des vidéos qui sont disponibles depuis plus d'un an. J'ai sorti une il y a de cela un an. J'ai sorti encore deux il y a de cela 6 mois. Et il y a très récemment encore, j'ai sorti d'autres vidéos. Comment communiquer avec nos ancêtres tranquillement. Et là, il y a une, je crois, il y a seulement 1 ou 2 mois. Comment communiquer, prier nos ancêtres de manière efficiente. Et il y a des gens qui ont témoigné qu'ils ont tenté l'expérience. Et ça marche. Ils ont écouté, ils ont eu des sensations, ils ont eu des faits réels. La vidéo est disponible. OK? Donc, nous avons fait l'horizon de toutes vos questions. Oh, tiens, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Quels sont les pouvoirs spirituels qui sont dans les mines, qui sont sous le sous-sol? Waouh! Bien, je peux déjà vous dire qu'au niveau du sous-sol, il y a une énergie qui existe. Et cette énergie résulte de tout ce qui vit dans le sous-sol. Tout ce qui vit dans le sous-sol, c'est quoi? Tous les minéraux, ok? Tous les corps détériorés, donc les corps des hommes, des animaux, des plantes, de ceci ou de cela, des poissons, tout ça forme certaines roches. En tant qu'ancien expert dans le pétrole, je sais de quoi je parle. Parce que j'expliquais dans une vidéo que pétralium ou pétrolium, c'est la pierre qui produit de l'huile. Pétrole. Pétrole veut dire pierre qui produit de l'huile. Donc, cette pierre-là résulte de tous les segments, de toutes ces histoires-là, ils ont formé des roches. Maintenant, ces roches, quand elles sont dans le sous-sol, dégagent une certaine force, dégagent une certaine énergie. Tout comme vous, l'homme, quand vous faites votre formation spirituelle, lorsque vous vous initiez, vous faites des méditations, des prières, des incantations. La loi du silence, ne pas parler pendant une semaine ou 2 mois, comme moi, je le fais tout le temps. Les gens me prennent de fou, je m'en fous. Quel que soit ce que les gens peuvent dire. Les grands maîtres le faisaient dans le passé. C'est au fur et à mesure que vous suivez tout cela. Je ne mange pas de viande, je suis végétarien. Vous avez vu Genèse chapitre 1, verset 29. Lui-même, Dieu a dit ça. Il a dit non, voilà ce que je vous autorise de manger, que les fruits et les plantes, c'est tout. Moi, c'est ce que je mange. Bon, accidentellement, le poisson, ça passe, mais pas les histoires de viande. Bref, quand vous suivez donc toute cette règle, ces règles ascétiques, donc vous faites des ascèses spirituelles. Même quand on est à l'église, on fait des ascèses. On a lu tout à l'heure, Galates chapitre 5. Toutes ces histoires-là. La personne qui pose d'où vient quoi? Les énergies démoniaques. Il n'y a pas d'énergie démoniaque. Toi qui parles d'énergie démoniaque, ça n'existe pas. Il n'y a pas des énergies démoniaques. Quand on parle des énergies, il n'existe pas des énergies divines ou démoniaques. Il existe ce qu'on appelle des énergies divines, des énergies positives et énergies négatives. OK? Yin et yang. Dans le cadre de ces enseignements sur les énergies, il n'existe pas des énergies diaboliques ou démoniaques. Le pouvoir spirituel, donc, disais-je, qui se cache derrière les mines, ça, on le récolte à part. Voilà, je disais que donc, il y avait une énergie. Donc, cette énergie-là, ça s'appelle l'énergie tellurique. Prenez vos dictionnaires et consultez ce que c'est une énergie tellurique. Maintenant, moi, quand j'ai fait ce qu'on appelle le druidisme, c'est la voie mystique des enseignements ancestraux des Européens du Nord. C'est-à-dire d'enseignement ancestral des Blancs, du côté de l'Angleterre, de l'Irlande et même des châteaux quelque part en France. Ils font ces techniques-là jusqu'aujourd'hui. Ça s'appelle le druidisme. Donc, dans le druidisme, il y a des techniques qu'on vous montre à travers le fer comment captiver cette énergie tellurique qui vient du sous-sol de la terre, mais résultant de tous les minéraux, de tous les métaux, de tous les corps morts, les corps des hommes, des animaux, des poissons, de tout, tout, tout, tout, tout. Donc, cette énergie, ces corps-là dégagent cette énergie qu'on appelle finalement l'énergie tellurique. C'est l'énergie mère. Donc, il y a une technique que j'ai apprise au Tibet qu'il faut faire chaque matin, chaque midi et chaque soir pour vous permettre. Hein, tout comme un enfant qui a un père et une mère, de vous harmoniser avec les deux énergies. Vous harmoniser avec l'énergie céleste qui porte un nom et l'énergie terrestre qui est l'énergie tellurique. Et ça, je le fais jusqu'aujourd'hui. J'ai commencé à le faire depuis 1984 à travers un maître qui s'appelle Pierre Manoury. Il vit en France, il est déjà très vieux. Il est expert dans les magies telluriques, très bien connu. Vous comprenez? Donc, de toutes ces deux énergies, l'énergie de la mère Terre, de l'énergie céleste, ça crée l'énergie cosmique. Parce que cosmos ne veut pas dire seulement en haut. Le cosmos, c'est ce qui relie tout ce qui vit autour de nous et à l'intérieur de nous. Voilà, nous arrêtons là. Je vous remercie beaucoup donc de m'avoir suivi. J'ai pris peut-être trop de votre temps. Ça fait 2h24. Alors, cet enseignement était très riche, comme vous l'avez constaté. Maintenant, voilà, quelqu'un vient me parler de Mami Wata. Allez-y suivre mes vidéos là. Vous êtes nouveau ici. Je parle de Mami Wata, la femme de nuit, la femme des eaux. Je parle de la femme des eaux. Je parle de la femme, l'esprit déformé qu'on appelle l'esprit reptilien. Je parle également de la femme de nuit. Comment faire en sorte que cette femme de nuit vous donne ce que vous voulez. Par exemple, même des pasteurs ont subi le rite. Ce rite-là existe. Je l'ai dans la vidéo. Par exemple, comment vous devenez trop violent avec votre femme, la femme devient trop violente, elle est nerveuse, c'est à cause d'une femme que Dieu vous a donnée depuis le jour de la création. C'est écrit dans la Bible, il y a des versets, j'ai montré ça là-dedans. Et il y a une technique que je dévoile au public, je l'ai montré. Comment donc faire en sorte que vous vous réconciliez avec cette femme de nuit ou votre mari de nuit qui n'a rien à voir avec des démons, puisqu'il y a des pasteurs et des prêtres qui sont venus me voir. Comment calmer la colère de cette femme de nuit que Dieu vous a donnée au jour de votre création? Parce que le jour où vous naissez, quand vous réintégrez votre corps, Dieu vous donne un esprit. Et les religieux appellent ça l'ange gardien ou bien votre guide. Ça existe. Merci beaucoup. toutes les questions que vous me posez, désolé, mais vous verrez que toutes les réponses, vous les avez déjà. Ça prouve que vous ne suivez pas donc les vidéos qui sont là. Et là, il n'y a peut-être seulement qu'à peu près une cinquantaine, mais je ne parlerai pas des vidéos qui sont dans ma page Facebook. Dans ma page Facebook encore, il y en a plein. Et encore, dans ma page Facebook des Tatan Zambé, le Tout-Puissant à Kana, il y en a encore d'autres. Vous comprenez? Donc, il y en a trop de connaissances, je vous en prie. Et les vidéos ont déjà presque répondu à vos questions. Je vous remercie pour votre temps. Que Nzamba Kana vous bénisse. Et que demain, en allant au travail, gardez ceci en tête. Vous êtes le diable. Vous êtes Dieu. Selon votre disposition mentale. Ça, c'est la compréhension maintenant d'un psychologue, diplômé en psychologie qui vous parle. Comprenez? Le diable, les histoires de diable, oh, les histoires de démons, oh, ou énergie démoniaque. Non, laissez-moi ça. Il y a en vous une énergie positive, une énergie négative. Donc, ça dépend de votre orientation mentale. Parce que tout est vibration. Merci beaucoup. Tout est vibration. Je vous remercie. Tout est vibration. La dictature religieuse. Je vous en prie. La dictature religieuse, c'est une arme très efficace que les Occidentaux utilisent pour abrutir l'homme noir, pour empêcher l'homme noir d'évoluer, pour empêcher l'homme noir de se rallier aux arcanes secrètes légués par ses ancêtres, dont le cordon ombilical est bien visible, et cette visibilité des cordons ombilicaux se voit par les initiations simples, verbales comme je le fais orales, ou encore pratiques par la feuille de la brousse, laquelle feuille de la brousse reconnue dans Genèse chapitre 1, le verset 29 qui dit, Dieu lui-même t'autorise à utiliser ces herbes-là, à utiliser ces plantes de la brousse, non seulement pour te nourrir, mais pour la propreté, et le nettoyage et le maintien de ta vie. Mais la vie, c'est quoi en général? La vie est un équilibre moral, spirituel, intellectuel, physique et matériel. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vie. Donc, pour avoir notre vie, il faut comprendre comment fonctionnent ces mécanismes. Les dictatures religieuses, elles ont retardé l'éveil de nos pays. Elles ont retardé l'avancée de nos pays. Elles ont embrigadé les consciences de nos enfants. Elles ont créé des lavages de cerveau. Au point aujourd'hui, on n'a aucune identité. Enfin, moi, j'ai mon identité. Au moins, on a un oubli. On oublie Vandele, Nisanjia, Ninsabunga Marika, au moins, on a Wissaka Menu, Gibinga Sosef, Nidimboku. Nkombo Yamine, Ekwe Popopopopankara, Mgo Chengos, Wandebe Yengo, Agali Kewa, Nagena, Bundombi Nubupeti. Voilà, je connais mes racines que je suis en train de vous dire en une minute seulement. Et ça manque pour beaucoup d'Africains. Voilà mon lien, voilà mon cordon ombilical. Il est grand temps que vous appreniez ces choses. Il est grand temps que vous vous conscientisez sur ces choses. Et de comprendre que la dictature religieuse ne s'arrêtera point tant que vous continuerez à fréquenter ces milieux. Si vous êtes membre d'une église, membre d'une religion, je ne vous empêche pas, je ne vous demande pas de vous abandonner. Mais si vous découvrez en ce que je viens de dire, des vérités qui correspondent dans votre situation, alors quittez les lieux. Appliquez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, si vous lisez la Bible. Appliquez le livre de l'islam qu'on appelle Al-Mustarafat, le livre de conductibilité d'un véritable musulman. As-sali, as-sali, Allahumma as-sali, sehidinu Muhammadun wa Rasulullahi, Alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et vous devez appliquer cela dans votre vie si vous êtes musulman. Vous devez sortir de ces carcanes afin de rejoindre la véritable arcane secrète qui vous lie avec vos ancêtres. Parce que même l'islam n'est pas la religion de l'Afrique. Ça nous a été imposé. Le christianisme n'est pas la religion de l'Afrique. Ça nous a été imposé. Et par cette imposition, c'est devenu une dictature. Ne nous donnant point la liberté fondamentale, même qui est écrite dans leur propre livre. Et nous l'avons découvert lors du décret lancé par le pape Jules César en 1550, quand il avait été élu pape. Selon les décrets qu'on appelle les documents appelés les documents des fonds latins sous le numéro 648-150 qui existe au septième étage sous le sous-sol du Vatican. Et ils embrigadent nos consciences. Ils veulent nous dire que le diable, c'est le noir, c'est le diable. Quelle est cette embrigonomie? Réveillez-vous, peuple africain. Réveillez-vous. Penzambakana, le Dieu suprême, veille sur vous, vous bénisse. Éveille votre conscience. Invitez le maximum de gens. Abonnez-vous. Parce que bientôt, je vais arrêter ceci et ce sera maintenant payant. Ce n'est pas moi qui ai décidé, hein. Ce sont les gens qui ont décidé de me sponsoriser. Tous mes enseignements, désormais, vous allez payer. Ça va être désormais codé. Vous allez rentrer dans un site. Et dans ce site-là, on vous donnera les alarmes et vous devez payer un montant par mois ou par an. Je ne sais pas ce qu'ils ont décidé là. Mais n'ayez pas peur, ça va être beaucoup d'argent. Ce n'est pas moi, je vous en prie. S'il y avait que moi, je continuerais à donner ceci gratuitement parce que je veux que tout le monde en profite. Donc, abonnez-vous immédiatement avant que ce truc-là ne ferme. Parce que si vous ne vous abonnez pas, seuls les abonnés, pour le moment, pourront avoir des filtres. Je vais vous créer des filtres pour que vous puissiez bénéficier de multitudes, des milliers d'enseignements avant que je ne quitte ce monde. Parce que je me concentre également sur mon livre, hein, et les DVD là, que les enfants ont déjà préparés là, bientôt qui vont être... Ils vont également les vendre. Bon, c'est vrai, ils ont promis de me donner un petit pourcentage, parce que je préfère qu'ils gagnent beaucoup d'argent dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Nzambakana vous bénisse. Merci encore. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci. Merci. Oh, when I hop in the world.